êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 23 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, et toi? Oui, ça va. Jean-Philippe Charbonneau? Oui, moi-même. C'est ça. Donc, toujours à cette émission matinale en pièce attachée, on t'en dirait des studios de ces fois à Trois-Rivières. Rien de bien original là-dedans. Quoique, on aime ça. C'est pas parce que c'est pas original qu'on aime pas ça. Mais c'est original, c'est la première fois qu'il fait aussi frais. Oui, mais j'allais dire qu'il va peut-être falloir que je défrosse mes poils de nez, ça. Ouais. Au premier contact, les poils de nez sont gelés. Oui, mais c'est une petite sensation quand même agréable le matin d'avoir le nez gelé comme ça. Ben, ça fait changement de te mettre le nez dans le congélateur à tout le matin pour avoir le même feeling. Ça. Exactement. Avec nous en studio ce matin, Annabelle Maton. Salut! Bonjour, ça va? Ben oui, toi? Très, très bien. Tu nous présentes ta chronique « Je t'aime, moi non plus » à 8h30. Oui. Tu parles de quoi? Alors, je parle de prostate ce matin. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que c'est en continuité avec la semaine dernière, le point G masculin. Alors, voilà. OK, c'est intéressant. À vous les dons, t'as hâte, hein? Ouais. J'ai très, très hâte d'entendre parler de ça. Je trouve ça. Ouais, mais oui. Je sais même pas quoi dire, ça. Ouais, moi non plus, je suis bouche bée. Bouche bée. Oh, wow. Bouche bée. J'ai scié les gens en studio. Stéphanie Paradis est aussi avec nous. Oui, bon matin. Ça va? Oui, ça va très bien. Comment vous sentez-vous ce matin? Frais, comme une rose. Je ne sens pas mes membres. Moi, ce matin, je me sens frivole et nourricière. OK. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai écouté lundi et j'ai été totalement scandalisée par vos propos. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez dit que, en fait, mais j'ai fait des statistiques et deux animateurs d'assemblage requis sur deux ne déjeunent pas adéquatement. Encore aujourd'hui, moi. Je me dis ceci de toute attaque. Donc, non. Lundi, nous avons M. Plante qui n'a tout simplement pas déjeuné et M. Charbonneau qui a mangé seulement un petit biscuit collant. Oui, c'est vrai. Donc, qui était collant dès le départ et non pas à cause des activités que tu as fait le soir d'avant. Exactement. Avec le biscuit. Spécifions-le. Dégueu. Oui. J'ai rien dit. Donc, j'avais pensé créer un petit club pour l'émission. Donc, j'avais pensé appeler ça le petit club des déjeuners requis. Ah, que c'est beau! Parce que on sait que le déjeuner est un repas requis. Donc, c'est nécessaire. Fortement recommandé. Nécessaire oui. de déjeuner. Donc, je vous ai fait des petits muffins. Oh! Oh, maudit que je t'aime! Ah! Donc, je vais vous passer le petit plat avec un muffin. J'espère que vous allez vous régaler. Je les ai fait spécialement pour vous hier. J'ai vraiment eu des envies de faire des muffins. Là. Est-ce moi, je fais des courgettes dedans? Ils sont à quoi, ouais? Ce sont des muffins courgettes et lime. Lime, non! C'est pour ça que c'est vert. Lime, du pot. Non, le vert est très nutritif, mais vous n'hallucinerez pas, mes amis. Personne n'est allergique à la lime. Non, ça va. Lalime, la Ligue d'improvisation mauricienne ou Patrick Lalime, le gardien de but ou... Jacques Lalaine, le gars des extracteurs à jus. Là. Jacques Lalaine, théâtre. Oh my God, je vais tellement de m'en rendre. Oui, c'est le fun. Hey, je vais le prendre, mais je ne vais pas faire de miettes sur la console. Je te redonne ton bol, mais je le garde ici puis je vais le manger pendant la pause musicale. Ouais. À moins qu'on veuille faire une critique culinaire. Ah ben, je sais pas. S'ils sont pas bons, on n'en parle pas, mais s'ils sont bons, on peut revenir là-dessus. Donc, en musique, toi, tu vas être avec nous pour la chronique Zone Campus à 7h30. Hey, tellement. Ça fait comme un bout qu'on avait mentionné que tu avais une chronique. Oui, wow, ben on l'avait-tu dit? Non, je pense pas. Ben, c'est ça. Je vais faire une chronique. Je suis pas ici seulement pour les muffins. Mais ça ajoute, tu sais, ça fait que tu deviens automatiquement première chroniqueuse dans la liste. Ah, cool! C'est au sommet. La semaine prochaine, est-ce qu'on peut faire des demandes spéciales? Des beignes? Oui, ou peut-être deux œufs bacon? Oui. Live en studio. Oui. Une tarte aux pommes pour qu'on puisse finalement dire de vraie façon qu'on se tarte aux pommes l'émission. C'est, je dis tout le temps tarte aux pommes, mais on n'a jamais de tarte aux pommes physiquement. Dans tes rêves, moi, je vous fais des trucs nutritifs. Des pommes. Des gaufres au blé entier. Ça serait tellement bon, Steph. C'est pas dans quoi tu t'es lancé en nous donnant des muffins comme ça. Là. Ben non, ouais, on dirait que je viens de m'ajouter une charge de travail. On se fait des attentes, là. Tu peux pas nous faire ça juste une fois. Bon, en tout cas, ben, goûtez-y. Peut-être que ça sera pas bon puis que vous allez revenir sur votre envie. Décision, oui. Et à 8h, on aura David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. C'est de la musique francophone. Et cette semaine, il nous présente de la musique inspirée, en fait, des gens qui ont participé à des téléréalités. mais il dit que télé-réalité peut vouloir dire qualité quand même. OK. Donc, sûrement des gens qui sont sortis de la Star Academy. J'espère que non. J'ai hâte de voir ses arguments, en tout cas. Moi aussi. Ça pourrait fesser sur le Facebook de la part des auditeurs. C'est mauvais ce que tu joues, David. C'est pas le fun, on voudrait pas ça pour lui. Ben non, ça serait plein. Bon. Entre tout ça, dans le domaine des chroniques maison, on était habitué à faire Kiki Sexy Time en début d'émission avec vous deux, les filles. Allô? Vous deux, dit-il en pointant. Ah oui, en pointant, c'est pour être sûr que, oui, que je ne ferai pas mélanger. À la radio, c'est un peu flou quand je pointe deux personnes. Ça. Mais aujourd'hui, on va faire ça, espèce, ça devrait répondre là. Oh yeah! Par demande spéciale de Stéphanie. Ben oui. Qui voulait qu'on fasse. Hein, c'est pas. Puis aussi, une nouvelle chronique parce que c'est le mois de janvier épique. Après 10 minutes d'intro, on va bien finir par se rendre à notre chanson. Janvier épique, hashtag janvier épique sur Twitter, évidemment. Personne ne suit ça, mais quand même, ça existe pas. Et notre nouveauté du jour, parce qu'on en a une par jour pendant tout le mois de janvier, on se comprend là-dessus. Notre nouveauté aujourd'hui, c'est Parlez-vous le français. Donc, on va enseigner notre belle langue française aux étudiants étrangers de l'université. Ça va être une leçon de langue. Étudiants qui, soit dit en passant, doivent vraiment se demander ce qu'ils font au Québec présentement. Probablement. Avec la température, ouais, là. Même nous, on se le demande. Hein? Qu'est-ce qu'on fait encore ici? C'est quoi la raison que les Québécois veulent rester au Québec? Je comprends. Un attachement à leur patrie. Patrie? Ah oh, oui, la patrie. Pâtrie? Pâtisserie? La pâtrie. Ah oh, oui. Oui? Oui. Peut-être la poutine. Poutine, toutes les pays, finalement. Oui, toutes les pays. Patate. On est rendu à la pièce. Oui. Oh, fallait que je dise patate. La pitarte, pitarte. East Road, qu'on s'en va entendre. Leur nouvel extrait du palmarès anglophone s'appelle First Morning Light. C'est excellent et la voici. Ah, c'est fou. C'est preuve de fin. Partez bien votre journée. Paradis? Patate. Patate. Poutine. Bon, je l'aurais dit. Qu'est-ce que tu as de plus? Plante? Non. Non. C'est moi. C'est ça. Sleeping, the full moon shines. My blood is boiling. C'était Rip the Ringo Death Star. Assemblage requis, c'est une de mes pièces préférées du palmarès anglophone. Je sais que je la fais jouer souvent, je sais! Mais bonne! Ben oui, bonne. Ben oui. Jean-Philippe? Oui, c'était bon. Bon, c'est comme oui. Rien du tout. Rien du tout. Donc, toujours assemblage requis, oui, il est 7h14 minutes. Une fois de temps en temps, on aime, tu sais, notre argent. Pas plus souvent, par exemple. Pas plus souvent. Juste une fois de temps en temps. Dépenser tout ce qui nous reste comme argent. Des fois, tu sais, pour boire. T'sais, on dit pour boire, mais ça pourrait être pour acheter des cossins. Aussi. Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des choses qu'on peut acheter sur Internet. Des choses qui répondent aux petits problèmes de la vie de tous les jours. Donc, je vous invite à aller voir sur assemblagerequis.com pour tous les liens à suivre avec nous si vous voulez. C'est pas essentiel, mais ça ajoute un petit peu à la conversation parce que vous allez pouvoir voir comment l'objet est fabriqué. Donc, je commence pour vous avec le problème qu'on a tous de sortir le ketchup du petit sachet de ketchup des restaurants. Tu sais comment c'est difficile? Faut que tu roules ça, puis là, tu pèses, puis avec tes doigts. Si on pouvait intégrer le sac de ketchup, le sachet, directement dans le truc à frites, dans le contenant, et qu'en plus, il y avait une affaire de carton pour tirer le ketchup. Donc, c'est vraiment comme les frites chez McDonald's, en carton. À l'intérieur, t'as une fente et t'as le sac de ketchup intégré et tu passes le sachet dans la fente en appuyant. Puis c'est ce qui sert à faire sortir le ketchup de là, directement sur les frites, dans le contenant. Ah, c'est tellement ouais, beau. Ouais, mais mettons que t'aimes vraiment beaucoup le ketchup puis que juste un sachet ne suffit pas. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Aha! Bonne question. C'est pour ça que McDonald's avait inventé les doubles sachets. Ça, c'est le fun, les grosses pochettes là, de ketchup. Ben, c'est ça qu'ils devraient intégrer. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, ces petits contenants? Je viens de mettre la main sur le muffin de Stéphane. En m'étirant la main. Stéphane, il y a des muffins. Bon. Pas habitué qu'il y ait des muffins qui traînent. Rarement. Non, c'est ça, c'est bien, mais j'avoue qu'il pourrait y avoir plus de ketchup. Bon, OK, on passe au suivant. Un autre problème de la vie de tous les jours. Tiens, tu veux... tu sais, les GoPro, c'est bien à la mode. Les caméras GoPro, tu peux mettre ça dans ton casque, maintenant tu vas faire du snow, tu vas pouvoir filmer le point de vue de ta tête. Là. Ben à la place, celui-là, c'est un bras ajustable. Tu mets ta caméra dessus et tu peux faire des vidéos à la Grand Theft Auto ou tous les jeux vidéo où on te voit à la troisième personne de plus loin. Ah, c'est cool! J'ai besoin d'avoir une poignée dans le dos. Révélation ce matin, c'est malade. Donc, c'est un peu comme un boom arm, un peu comme pour un microphone, mais la place, c'est pour la caméra. C'est créé par un producteur de film hollandais. L'appareil est en trois parties, donc un truc à la taille ajustable et qui va à l'eau. Il y a une plaque dans le dos pour réussir à tenir tout ça droit, même si il y a des gens qui ont des doutes par rapport à justement la caméra va peut-être bouger à cause du bras. T'as le bâton pour la caméra, t'as un mécanisme pour barrer et relâcher le tout. Et tout ça pèse moins de 950 grammes, 2 livres, et ça entre à l'intérieur d'un sac à dos lorsque désassemblé. Je trouve ça cool. Ça coûte 214$, c'est sur Kickstarter, donc il faut donner de l'argent, espérer qu'ils se rendent à leur but. Et si ça se rend au but, peut-être qu'ils vont produire le produit. Oh! C'est la beauté et le flou de la chose. J'aimerais ça savoir s'ils sont rendus à leur but. Non, ils sont à la moitié de leur but. Il reste 26 jours, par contre. Ça pourrait fonctionner. Est-ce que vous, des fois, vous vous sentez seul, peut-être, dans la vie, et vous aimez vous réconforter en mangeant des nouilles ramen? Ben oui, ah. Tellement. Sèche ou cuite, la question. Ou les deux. Ou les deux. Quelle sorte de poudre, autre question. Moi, je mange ça sec. Oh, ça a l'air sexuel, dis-le même. Oui. Hein? Moi, je mange ça sec. Sec de main. Voyons. Je mange ça sec, puis je trempe les petites nouilles dans la poudre. Là. Ouais. Non, je suis toute seule à faire ça. Je faisais ça au secondaire. Ouais, moi, quand je mangeais ça sec, j'étais plus genre à déchirer le petit sachet, le mettre dans l'autre sachet, brasser chaque essai. Non, je trouve ça trop salé. Moi, à la fin, je trouve qu'il y en a trop. J'aime plus ça le mettre au complet, sachet. Non, j'aime quand le goût est léger, puis... Oh, chacun se ramène. Je pensais que tu mangeais ça comme du fun dip, tu trempes la nouille dans la bouche. C'est un peu ça, hein? Oui, okay. C'est un peu ça. C'est pas sûr de la description que tu m'as fait. Ben non, mais je me trempe pas nécessairement la nouille dans la bouche. Je me trempe la nouille. Ok, on change de photo. Non, on reste sur celle-là parce qu'on n'a pas encore expliqué le produit. Ceux qui mangent des noodles, ramen noodles tout seul veulent avoir ce produit-là. C'est un bol à nouilles ou n'importe quelle sorte de choses qu'on mange dans un bol, par exemple. De la soupe, mais il y a un socle pour mettre ton iPhone. Bonne idée, le bol est en céramique, t'as une petite fente, t'insères ton iPhone, tu peux aller voir des affaires sur Internet, en mangeant tes nouilles. ton muffin me fait faire des refus d'un petit temps. Tu serais pas craintif que ton iPhone tombe dans ton bol de nouilles? Oui, ou encore, juste, tu sais, des fois, quand tu flac avec tes nouilles, là. Ouais. Ouais, les nouilles sont longues. Ça fait plein de nouilles. J'aime ça, c'est beau, c'est super. Est-ce qu'il y avait un prix? Non, pas vraiment. Mais c'est un peu pathétique. Tu trouves, hein? Ah, vraiment, là? Ben, non, moi, mais... c'est vraiment celui qui se sentait si seul, là, qui a dit, il faut vraiment que je remédie à la situation, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu sais, quelqu'un qui, que pour lui, le contact humain est un peu, tu sais, mainstream, là. Ouais, ben, hipster du contact humain. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. En tout cas, c'est bon. C'est beau, je l'achèterai pas. J'ai compris. Ben, si tu l'achètes, amène-nous là, on veut l'essayer. Amène-nous là. Bon. Oh! Ensuite, j'adore Minecraft. Je ne joue pas à Minecraft, malheureusement, mais je trouve que le jeu est vraiment cool, c'est vraiment beau. C'est le jeu qui ressemble un petit peu à des Lego, mais virtuel. C'est un jeu vidéo. Ah, c'est beau! Créé par Notch. Oui, c'est beau. Et on espérait tous qu'il allait avoir un jeu de Lego inspiré par Minecraft. C'est fait, ça y est. Badaboum, badabing! Lego Minecraft et montadine que c'est beau. Ça vient donc avec ce morceau de un casse-tête de 480 pièces. Bon, pas un casse-tête, hein. C'est des Legos, on l'appelle pas un casse-tête. Ben, c'est comme un casse-tête, si on veut. Hein. Ah oui. On peut dire ça, c'était pas si fou que ça. Un genre de puzzle, Nathan. Ben, c'est un c'est peu... C'est quoi la différence entre ça? Non, mais puzzle, c'est plus comme, tu sais, faut que tu réfléchisses. Casse-tête, mais je sais pas, ouais, plus dans ce style-là. C'est pas plus ouais. Anglais versus français? Moi, je trouve que oui. Ouais, moi aussi. Bon. C'est comme plaster puis pansement, non, grosse différence. Non, diachylon. Oui. Diachylon. C'est beau ça, c'est le pire mot, je pense, de la langue française, non? Ça, puis bru. Oui. Ah, oh, bru. Oui, bru. Bru. C'est vrai. Gorge. C'est dégueulasse. Gorge. Gorge. Gorge. Mais moi, diachylon, j'aime pas ça parce que tous les mots qui ont chi dedans, c'est comme le nom de famille Chiasson. Désolé si vous l'avez, mais c'est lettre. Bon. Ben, on parle de Minecraft, l'ensemble de 480 morceaux pour construire vos propres mondes de Minecraft. Et c'était une édition limitée. Qui n'était pas disponible partout, mais on peut encore se l'acheter sur Amazon.com, 60$ environ. Allez voir ça, je trouve ça vraiment beau. S'il ressort ça en version normale, je veux en acheter un, rien que parce que c'est beau. Bon. S'il était prémonté et que je n'avais même pas à y toucher, ça serait encore mieux. Encore mieux. Wrangler, la compagnie Wrangler de jeans, là, ils sortent une nouvelle sorte de jeans humidifiés. Okay? C'est comme si les filles ne mouillaient pas, là. Hein? Hein? Leur pantalon? Non, pardon? Dieu. Excuse-moi? Pardon? Okay. Non, mais on a tous déjà échappé un verre d'eau. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Des fois, tu pisses dessus. Bon. Donc, Wrangler arrive c'est avec comme des... un duo crème hydratante jeans, là. Des jeans crémeuses. Yerk! Crémeuses ou... traditionnelles. C'est jeans. Oh, traditionnel. Je ne veux pas voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est non, traditionnel. Non, non. OK. Donc, c'est ça. Wrangler, sorte de jeans. OK. Donc, tu as des jeans aux huiles hydratantes. Au beurre de kérité, cette affaire-là. Kérité, c'est ça l'affaire. l'huile de fruits de la passion, etc. Mais dans les jeans, ça s'appelle les denim, spa jeans. Et c'est Lizzie Jagger, la fille de Mick Jagger, qui est la modèle dans la photo sur assemblagerequis.com. Elle dit, et je cite, « Elles sont certainement plus froides pour mes jambes que les jeans régulières. » Est-ce qu'on dit masculin? C'est masculin que les jeans réguliers. Ouais. C'est ça. Après une journée à les avoir portées, je me sens très bien les jambes. Mes jambes sont beaucoup plus douces qu'avant. Je pourrais aussi ne pas faire une voix masculine comme ça en disant ça. C'est pas assez féminin. Mais ça, t'es porté une fois, puis après ça, c'est fini. T'as des refills, Jean-Philippe. Ils ont pensé à tout. Tout. Des refills de jeans. Mais il y en a qui ont pensé aussi à tout, puis qui ont juste mis la crème en tube que tu peux appliquer directement sur tes jambes et mettre tes jeans après. Trop d'étapes. Mais mettons que... Est-ce que le refill vient comme en feuille en feuille d'assouplissant, genre dans, tu le fous dans la sécheuse, là, comme tes jeans redeviennent humides? Ouais, ils disent que c'est un spray. Un refresher spray. Donc, t'as trois sortes de jeans. T'as aloe vera qui calme la peau sensible. T'as extrait d'olive qui aide à garder ta peau, je sais pas, tone, ça veut dire quoi? En tout cas, est humidifié. Et t'as smooth legs, jambes douces, qui réduit la cellulite. Et après que les huiles et les affaires botaniques là, sont parties, c'est ça, tu peux acheter un refresher spray. Les pantalons sont lancés au Royaume-Uni par Asos, disponible pour $134 à partir du 28 janvier et ils livrent aux États-Unis. Ouais, mais s'il est en spray, le refill, pourquoi on peut pas le sprayer directement sur nos jambes? C'est pas moins compliqué. C'est pas fait pour ça, ça doit être du concentré de tissu pour le tissu, là. D'après moi, il y a une petite notice qui dit de ne pas faire ça. Ça doit être ça. Ouais. Ouais. Faut que t'achètes plus. Nah. Bon. Nah. Si vous êtes les problèmes de la vie, encore une fois, si vous êtes des amoureux, OK, vous voulez vous prendre la main dans la vie, mais c'est l'hiver, il fait moins 42, t'as pas envie d'avoir chacun ta paire de mitaines puis t'insérer ça main dans la main. À la place, il faut une paire avec deux mains où tu peux entrer chaque personne dans le couple. Ça wow. marche mal pour les couples polygames. Ça réchauffe encore plus. Oui. C'est quétaine à souhait. Ouais, ouais, c'est vraiment quétaine. Non, mais ça, c'est clairement une erreur. C'est la chaîne de montage. Puis ils ont fait « qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » On va leur vendre ça à un prix de fou, j'imagine. Ça va jusqu'à moins 20 degrés Fahrenheit, moins 29 degrés Celsius. Ça coûte seulement 25$ pour... Évidemment, c'est comme... l'équivalent d'un gant, parce que ton autre main, tu dois avoir un gant tout seul aussi. Ouais, c'est ça, puis l'autre gant ne doit pas fitter du tout. C'est dépareillé. Ça s'agence pas, Jean, gant. Gant. Ça s'agence pas. J'essayais, là. Non. À éviter en voiture, en tout cas. Oui, c'est ça. Exact. Un autre problème, tiens, tu veux te raser dans la douche, tu veux faire des choses dans la douche, mais t'as pas l'angle qu'il te faut pour te voir l'entre-gant. il faut l'Intimate Grooming Mirror. C'est un miroir qui vous permet de voir partout. Ah, celle-là est bonne. Il y a une suction après. Ben, il y a une suction après le miroir aussi. Faut juste... une suction après. C'est un jeu de mots d'entre-gants. Ben, voyons, ouais. C'est... ça va aller. Ouais. Donc, tu peux angler ça un petit peu n'importe comment. Et puis, je veux savoir combien ça vaut sur Amazon. Ça coûte 19$. Hey, c'est pas cher pour autant de plaisir. Pourquoi s'en priver? Oh, partie privée. C'est un autre jeu de mots. Tu l'as pas pogné, ça, non? Oui. ensuite, celui-là n'est pas un problème, mais si jamais vous avez toujours eu envie de tirer des bouchons de bière après vos amis, t'sais, vos amis qui sont déjà sous, je suis pas sûr que ça va bien finir de lancer des bouchons de bière à quelqu'un de sous ou quand t'es sous toi-même, pas sûr. Ou dans un restaurant, des petits copes de beurre, hein, Nabil? Ah! Hein? Quoi? Moi, je lance jamais rien. Bah, faut le faire! Je vais lancer mon muffin sur lequel je me suis mis la main. Donc, c'est ça. Vous ouvrez une bouteille, vous avez besoin du Cap Zappa. Aucun lien de parenté avec Frank Zappa ou les Moon Unit, etc. Donc, c'est un mécanisme à ressort qui va lancer le bouchon de bouteille à environ 15 pieds. C'est ça. C'est juste ça. Tu t'insères ça, tu tires sur le bouton, puis ça envoie le bouchon de bière à quelque part. Tu pourrais jouer à un jeu comme jouer aux poches. Un autre mot de partie privée. Oui. Tu peux toujours comme prendre un jeu de slingshot. Tu sais, un slingshot, là. Oui. Et ça fait la même chose. Ouais, mais ça ouvre pas ta bière. Et plus de puissance, ouais. Mais c'est j'aime vraiment ça, cette cochonnerie-là, moi. Notons aussi la présence d'un porte-clés. Hey, tu remarques des détails, t'as bien raison. Wow! Hey, ça fait que ça lance... 5 mètres! Ouais, 5 mètres! 5 mètres! Hey. 15 pieds, 5 mètres! Tu sais, dans un bar, quelqu'un que t'aimes pas, voilà! Dans les deux. 4 de bière. Ouais. 4 c'est, pas 4. C'est pas très, très subtil. T'sais, c'est sûr que c'est toi qui as fait ça, le mauvais coup. Là. T'as un cossin orange fluo dans ta main, je pense que c'est louche un peu. C'était le hockey. Ça, c'est un autre problème de la vie. On a tous le hockey. Il y en a qui ont des reflux à cause des muffins. Moi, j'ai des hockey des fois aussi. Oui, en fait, Mathieu n'a aucun contrôle sur son diaphragme. Aucun contrôle. Hey, je pogne le hockey après avoir bu une gorgée de café le matin. Ça n'a pas la main. C'est jamais arrivé en onde, mais là, je dis ça, puis là, ça va m'arriver. Ça. Mais ton corps est peut-être pas habitué à déjeuner avant une émission. Ça doit être ça. Donc, t'as besoin du Hiccup Stick. C'est un bâton, évidemment, d'une compagnie asiatique quelconque. Là. On s'entend que ça vient de là, ça a pas mal le choix. C'est le premier outil qui va instantanément arrêter le hockey, selon eux. Tu places ça horizontalement dans ta bouche. Ça ressemble un petit peu, c'est comme un crayon, mais beaucoup plus mince. C'est comme un cure-dent long. Si j'avais à le décrire visuellement. Là. Spaghetti numéro 11. Oui. ouais, c'est ça. Il y a tellement de sortes de spaghettis. Spaghettini, spaghettini, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Mais ils ont tous des numéros, moi, je capote. C'est comme un crayon Bic numéro 2. Oui. Là, on se met ça dans ta bouche, tu mords dessus, tu bois un verre d'eau à travers le bâton et c'est un peu comme boire de l'eau avec une cuillère dans le verre, à l'envers. C'est pas un couteau? Un couteau? Ben, moi, j'ai entendu que t'as un couteau comme dans le verre puis tu prends une gorgée. Mais... tu mords dans un canif, puis. Tu fais comme le Joker, tu traces des lignes dans la bouche, puis ça saigne partout. Bon. Je suis pas sûr de celui-là. Mais sûr. T'as plus le hockey. Mais t'as plus le hockey. Mais voilà, avantage hockey. Est-ce que le petit bâton dégage un truc que quand tu bois au travers, mettons, ça se libère dans ta bouche, dans ton système immunitaire? Je pense que c'est un bout de bois, moi. Ouais, ok. Mais il doit le cirer pour pas que ça te fasse décharge, parce que t'es mal parti, t'as une écharpe dans la bouche, hein. Je sais pas, ça doit juste comme positionner ta bouche de façon à ce que tu respires pas, tu sais, mais justement, boire un grand verre d'eau. Dire, tu peux pas respirer, ça passe pas par le même trou, puis déjà, ça empêche de. Tu sais, le diaphragme, il arrête de. Il y a mille façons de faire de meilleur que d'acheter un cure-dent de 30 cm de long. Est-ce qu'on a le prix? Non, je pense que c'est tellement japonais. Attends, t'es peur! On s'en va voir le prix. Parce que pour un petit bâton qu'on met dans la bouche, moi, je peux patenter ça que. À n'importe qui. Là, tu vas te casser ça. Oui. C'est 20$. Mets ton cher, ça. Et on en 20$. Contactez-moi, je le fais à 18$. Ton courriel. ensuite, un autre problème, quand on se... Tu sais, les hommes, on peut pas tout le temps... Ça dépend des gens. Il y en a qui peuvent... Tu sais, tu veux pas te raser, parce que ça fait peut-être trop féminin. Là, on parle de se raser de pas partout, mais c'est à plusieurs endroits. Ça fait pas très masculin, pas très viril. Les femmes aiment ça, un gars velouté. Velouté. Corsé ou velouté. C'est ça. Et donc, tu veux pas nécessairement non plus être complètement poilu et avoir l'air d'un ours humain. Donc, il te faut ce Selective Hair Trimmer qui n'enlève que certains poils tout en en laissant d'autres. Comme ça, t'as pas l'air de t'être rasé, mais t'as pas l'air d'un ours. T'es juste comme entretenu. T'es bien, ben c'est ça, mais sans avoir l'air trop entretenu. Comme tu sais, ceux qui font du metrosexual, du manscaping. Les femmes n'aiment pas vraiment ça, des fois, les manscaping. Ah, il y en a que oui, pas tellement. Ça mais il y en a que non. D'ailleurs, je suis dû pour faire mes jambes. Oui. Disons, une fois par, oui. par jour. Ouais, fois par jour. C'est chez. Il est velu. Il est velouté. Je suis velouté. T'es hirsute. Ouais. Mais t'as pas l'air d'un ours, là. C'était pas pour toi, ce que je disais tantôt. C'était pas vers toi. Je vais poursuivre. Non, sinon, j'attends en cadeau ce petit peigne. Je note ça, c'est 33$ chez Japan Trend Shop. Voilà. Oh. Rapidement, celui-là, c'est des couteaux qui coupent très fort. C'est des couteaux à bœuf, à steak. Coupent fort. Coupent bien. C'est pas un couteau à margarine, mettons. Margarine. Ta grand-mère disait ça? Margarine. C'était son nom, Margarine Paradis, non? Paradis, non, même pas pantoute. Vois que je sais le nom de famille de ton autre famille, là. Non, c'est quoi l'autre famille? Comment ça s'appelle? Souci. OK, j'espérais que c'était pas Chiasson parce que j'ai ça. Je suis allé contre les Chiasson. Donc, c'est des couteaux, mais avec des formes de montagne à la place de la lame. Ben, c'est une lame, mais en forme de montagne. C'est beau, non? Pourquoi pas? Si tout le monde avait ça, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Tellement. Paix dans le monde. Donc, si tout le monde avait des couteaux et des fusils, il n'y aurait pas de guerre. Oui. La seule façon de contrer un homme à fusil qui est méchant, c'est un homme à fusil, mais qui est bon, c'est ça? Selon la NRA. Donc, tu as le Zurich Panorama, tu as le Lake of Constance Panorama et tu as le Berner Alps Panorama. Trois différents sortes de montagnes. Vous pouvez vous les procurer. Il n'y a pas de distributeur américain. Oui, il y en a un en Géorgie, aux États-Unis. Donc, bon, allez-y. Personne ne va y aller pareil. Ça doit être bizarre quand c'est le moment de les affûter. T'sais, moi, j'aurais peur de scraper montagne. Oui, peut-être que, tu sais, c'est peut-être comme une poupée vaudou. Là, si tu te mets à effiler ce couteau-là, les montagnes vont s'affiler aussi. Oh mon Dieu! On a des droits d'idée, déjà. Ensuite, tu sais, vous mangez peut-être, ben, je sais pas si on dit boire, donc ça doit se cuire quand même des blancs d'œufs. C'est très santé, hein, Steph? Oui, c'est très santé, le blanc d'œuf. C'est approuvé par Steph, voilà. Si vous voulez enlever les jaunes de votre œuf déjà cassé, à la place d'acheter comme à la télé, il y a l'affaire pour casser des œufs, mais qui va tenir ton jaune d'œuf. Vous avez tout vu l'info pub de ça? Là? Le non. Easy Cracking Egg? Easy? Ouais. À la place, casse tes œufs dans un bol comme une personne saine d'esprit et enlève les jaunes d'œufs avec cette petite. C'est comme un turkey baster, c'est comme l'affaire pour mettre du jus, d'enlever le jus d'andaine. C'est comme l'affaire avec une. C'est comme un poire à jus. Ouais, c'est la morve d'un petit nez de bébé. Là. Ouais, c'est ça, des petites poires à nez. Ouais. Oui, c'est comme le jus de nouilles qu'on a. Tantôt, c'est ça. Du jus de nez, on a du jus de bouche avec David Ferron oui. Tantôt. Parce que j'essaie de retenir ces affaires-là parce qu'après ça, ça donne un titre pour l'épisode. Jus de nouilles. Donc, pour enlever le jaune d'œuf, c'est comme une affaire pour la dinde, mais tu enlèves le jaune et puis tu le transformes dans un autre bol, puis ça te laisse le blanc d'œuf. C'est super magique. 13$ environ, américain. Moi, je peux faire ça gratis, c'est vraiment facile. Tu casses ton œuf en deux, puis tu fais juste comme transvider le jaune de moitié de coquille à moitié de coquille, et le blanc tombe. Et ça, non, ça coûte 13$ de moins. OK. On se dépêche, celui-là, c'est pour tenir ta tête sur... Je me dis que je me dépêche, puis je prends comme 3 minutes pour dire ma phrase. Donc, t'attaches ta tête à ton siège d'avion. Comme ça, tu peux t'endormir. Oh, puis pas cogner des clous. Pas cogner des clous. Ça s'attache après avec un snap, fait que tu peux l'enlever facilement s'il y a une urgence, mettons. Mais c'est cool, à part avoir l'air fou, c'est vraiment merveilleux. 39$, ça a l'air confortable. T'as juste l'air un peu sportif avec un bandeau, mettons. Ben, mets-toi-en sur le bras aussi, tu vas vraiment avoir l'air de sportif, tu sais. Ouais. Spandex, short spandex. Mais on va se dire, la fille qui est vraiment trop maquillée pour prendre l'avion. Il y en a qui faut souffrir des fois pour être là. Surtout quand on se prend l'avion à 3h30 le matin. Ouais. Tu sais, Annabelle, chose? Allô? C'est du milieu. T'es fin. C'est dans le milieu du sandwich, hirsute, jus de nouilles. Oh mon Dieu! C'est notre nom de trio. Oui, hirsute et jus de nouilles, et l'autre dans le milieu. Oh. Donc, Annabelle, jouet sexuel qui a l'air très intéressant, c'est Hello Touch. C'est une paire de vibrateurs. On est assez mature, je pense, à Assemblage Rocky pour parler de sexe. On le fait avec la chronique de Stéphanie. C'est pas parce qu'il est 7h33 qu'on peut se... D'Annabelle. D'Annabelle. Salut, c'est moi. Tout pareil. Jean-Philippe, Ah non, Annabelle! Oh oh! Je savais que j'avais oublié de me raser. C'est ça que j'allais dire, c'est à cause de la barbe. Mais c'est en fait, c'est à cause de moi, j'ai utilisé le man strip. Moi, tu l'as collé dans la face d'Annabelle. OK, donc c'est une paire de petits trucs que tu insères sur tes doigts. OK, et c'est supposé être aussi puissant qu'un vibrateur normal. Et comment tu l'utilises? Bon, je vous laisse vous mettre l'idée dans la tête. Ça coûte 65$. Et puis, il y a des photos pour voir comment ça fonctionne. T'as un petit truc autour de ton poignet, relié par fil vers deux affaires sur chacune de tes mains. Tu peux l'avoir, j'imagine, si tu en achètes deux, ça fait quoi, 130$? T'en as ces deux mains. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Mais il y a déjà comme des gants vibrants là, dans les faits qui existent. Pis... Ouais, il te resterait le reste de ta main pour sentir la peau de l'autre. Ouais, mais tu sais, mais... Tu peux arrêter le mouvement, si vous voulez. Tu peux arrêter le mouvement. Celui-là, très rapidement, encore une fois. Pic de guitare, mais fait avec de l'argent. Parce qu'apparemment, les musiciens qui ont vraiment du talent, apparemment, ils aiment beaucoup jouer à de la guitare avec des 25 cents, avec des pièces de monnaie. Par contre, ça endommage les cordes très rapidement. Donc, ils ont créé des pics de guitare faits avec de la monnaie, mais avec les coins ronds. Oh. Bonne idée. J'aime ça. Entre 10 et 30$ pour les musiciens, ça pourrait être très pratique. La Beam Brush, qui est une brosse à dents, qui vient avec une application. Et tout ça, c'est par Bluetooth. Donc, dans l'application, tu vas voir si tu as bien brossé partout dans ta bouche. Ça va te dire quelle place dans ta bouche tu as le plus brossé, combien de va-et-vient que tu as fait. Etc. Donc, ça coûte 50$ pour la brosse elle-même, 3$ pour chaque tête remplaçable. C'est la Beam Brush. Ça peut être un substitut de dildo aussi. Ah, comment? Puis là, t'as parlé de va-et-vient. Fait que là, tu pourrais savoir le nombre de va-et-vient. Ouais, ça peut être pas sûr que ça brosse aussi fort qu'un vibrateur. Puis t'as peut-être le top 50 non, de ceux qui ont fait le plus de va-et-vient. High score! J'ai battu mon high score! Non, mais si tu combines les petits trucs que tu mets sur tes doigts, tu tiens ta brosse à dents, tout ça, ça te vibre d'en face. Ah, je pense qu'on a quelque chose, là. Je pense que ça marche. Et finalement, j'aime beaucoup celui-là. C'est un concept, donc ça n'existe pas encore à l'achat, mais c'est le Saddle Lock Bike. C'est un vélo en tant que tel. Tu achètes le vélo et tu peux tasser le siège vers l'arrière, le reculer un peu comme un break à bras et attacher l'arrière du siège à ta roue. Donc, ça va empêcher la roue de bouger et de se faire voler. Et ça m'empêche ton vélo d'avancer. Donc, j'imagine que tu pourrais l'attacher avec un cadenas normal pour l'avant. Puis à l'arrière, le siège sert de cadenas pour la roue. Deux fois plus sécuritaire. C'est tombé une bonne idée. C'est une très bonne idée, mais c'est un concept en ce moment. Voilà. C'est tout pour ça. Mais ça devrait répondre là. Merci, gang! Ben, de rien. Ben, salut. Ben, c'était bien. Vous participez très bien, je trouve, à chronique. Bon, on a tellement de plaisir. Jus de nouilles! Jus de nouilles. Annabelle? Hirsute. Et quoi d'autre? Manscaping. Oui. Ouais, je le veux, là. Je le veux vraiment. Toi, tu m'as créé un besoin. Ah, c'est ce qu'on aime faire avec Sex Smith, ça devrait répondre. Là, qu'on fait ici à Assemblage Rocky, une fois que t'es. On prend une pause, on revient tout de suite avec Stéphanie Paradis. C'est celle qui est à gauche. Oui, c'est là, c'est ça. Avec sa collègue Zone Campus. Non, on chante pas. Ah, je sais pas. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. Toujours Assemblage requis, on peut insérer Jean-Philippe dans le truc quand on veut. Elle dit de même, hein? Il reste pas un bête bumper où il n'y a pas FO dedans. Donc toujours Assemblage requis, il est 7h39, et puis toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Moi-même. Oui. Stéphanie Paradis. Présente. Annabelle Maton. Hello. Monsieur Blu. Et maintenant, ben, c'est Stéphanie qui va être la vedette de son propre blog. Et voici la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Salut Stéphanie. Hey. Hey. On a un nouveau Zone Campus qui sortait hier. Oui. Et c'est le numéro du 21 janvier au 3 février 2013, volume 8, numéro 10. Avec de précision. Ben, j'aime ça de même. 20 pages, bimensuelles, gratuit. Gratuit. Zonecampus.ca. En couverture, on parle du party de la rentrée hivernale 2013. Party de la rentrée, écoute, c'était de la qualité au rendez-vous. Donc, on nous parle des spectacles qu'il y avait à la Chasse-Galerie et au 10-12. Donc, à la Chasse-Galerie, on avait le groupe The Options, formé d'anciens étudiants de l'UQTR. On avait aussi le groupe de Match-Up. Et non pas de ketchup, vu que sa jambe de cache... Oui, ça cache le M, donc ça laisse place à imagination. Et en fait, c'est vraiment la chasse-galerie qui a attiré le plus d'étudiants, du moins au début. Il y a eu un petit retard au 10-12, puis je pense pas que c'était à cause des groupes. Là, c'était MTL et Danny Fernandez. Mais disons que beaucoup d'étudiants ont préféré aller voir d'anciens étudiants de l'UQTR jouer à la chasse-galerie. Et aussi, d'arriver au 10-12 et que c'était tranquille, ça a donné plus le goût aux gens d'aller à la chasse-galerie pour l'ambiance festive qui était déjà installée. Mais ça finit par lever quand même au 10-12. Oui. C'est très cool. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, c'est moi qu'il faut qu'il suive dans cette collecte. En actualité, on parle du d'enseignement supérieur et un projet de mentorat. L'UQTR suit les traces du cégep. Oui, donc les deux établissements vont désormais avoir un projet pour le transfert d'expertise en pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, entre autres, c'est le programme Miroir, qui signifie « Mentorat individualisé, recadrant nos observations pour inspirer notre réflexion ». Le FBDJKWF. Miroir. Miroir, excuse-moi. Oui, merci Jean-Philippe. Oui. Ça va offrir, dans le fond, aux enseignants d'entamer une démarche de réflexion et de développement professionnel avec un mentor reconnu. Ensuite, on a le lancement du livre de Marie-Josée Drolet, qui s'intitule « De l'éthique à l'ergothérapie, la philosophie au service de la pratique ergothérapique ». Donc, c'est un livre qui va être un outil offrant les bases de la compréhension de l'éthique. Il apporte un point de vue philosophique afin de mieux cerner les différentes grandes familles d'éthique. Ensuite, on parle d'étudiants étrangers. On parle de la séance d'accueil, en fait. Mais oui, c'est une journée pour mieux s'intégrer. Donc, on veut voir un peu à quoi ça ressemble, cette journée d'accueil pour les étudiants étrangers. Donc, on va décrire un peu toutes les informations qui leur sont données, comme la procédure pour l'inscription à une session, le programme de parrainage aussi, parce qu'ils sont pas laissés à eux-mêmes sur le campus. On parle aussi des possibilités de bourse, pardon. Donc, un peu de tout ça pour savoir qu'est-ce qui leur sont offerts. Mmh. On reste dans le même domaine pour parler de la crépuque, ou est-ce qu'on dit du crépuque? En tout cas, pour les nouveaux arrivants à l'UQTR. Je crois que c'est la crépuque. Moi, il me semble. Oui, la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Donc, c'est un programme d'échange qui permet aux élèves de différentes nationalités de venir étudier au Québec le temps d'une ou deux sessions. Donc, on parle un peu en quoi consiste le programme pour les étudiants. Mm-hmm. Simon Fitzbé, son texte en pleine face, il parle, il nous en a parlé lundi, des Canadiens. Les Canadiens, ça s'est passé lundi dernier. Vous pouvez aller lire ou, mon Dieu, c'est plus compliqué, aller sur le site internet d'Assemblage Requis, aller dans les balados diffusion, ou tout simplement sortir juste un petit peu là d'où vous êtes, puis vous allez trouver le journal un peu partout, c'est tellement moins long. Oui, moins de blagues dedans et moins de plaisir avec plusieurs personnes qui rajoutent du bon. Hein? Le journal, c'est juste une colonne. Non, mais c'est vraiment intéressant d'aller voir. On a la photo de Simon Fitzbé qui est tout simplement magnifique. Je vais mettre sur le site d'Assemblage pour que tu n'aies plus aucun avantage. Non. ensuite de ça, toujours en actualité, il nous reste... est-ce qu'on couvre pas le reste? Hein? On sort directement à société? Non, pas du tout. Moi, je veux vous parler de l'inauguration de la chapelle. Pas coché. Did not cash it. Mais c'est sûr qu'il n'est pas coché. T'as pris un journal dans lequel je ne t'ai rien écrit. Non, il l'a pas coché. Mais c'est pas grave, je peux en parler quand même. Parle-moi de ce qu'il y a à crème, s'il te plaît. Oh. Bon, voilà, t'as dévoilé le punch. Ah! Non, pas du tout. Donc, le 10 janvier dernier, il y a eu l'inauguration de la nouvelle chapelle. Mm-hmm. Donc, c'est M. Georges Croteau qui nous a accueillis dans ses nouveaux locaux. Donc, ils sont situés au suzeur côté, donc plus précisément au 0030 et 0029. 00 voulant dire sous-sol en passant. Hein? C'est ça. Ouais. Donc, vous pouvez passer par les tunnels, on arrive directement là. Et pour vrai, on a eu un accueil vraiment chaleureux. Oui. Pour vrai, il y avait comme un buffet de trucs divins, sucre à crème, qui est vraiment excellent, Monsieur Croteau, en passant. Deux sortes en plus de sucre à crème. Ah oui, deux sortes. Il y avait des galettes, du vin, du jus. Puis il est vraiment toujours là pour écouter les étudiants. Donc, pour vrai, allez le voir, ça vaut la peine. Un homme vraiment charmant. Tout à fait. Là, on passe en société pour là, vrai. Là, on passe en société. Et on commence avec Sébastien Dulude et sa chronique. Va voir ailleurs, j'y suis. Donc, le titre de sa chronique, comme une lettre à la poste. Donc, c'est un échange entre M. Dulude et la Corporation de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières. Entre guillemets, là. La Corporation. Oui, entre guillemets. Donc, vraiment savoureux. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Tout à fait. Après ça, on parle de sexe avec Jonathan Laranger qui cause controverse encore une fois. Là. Oui, différence et rôles sexuels. Donc, il nous parle des rôles de la testostérone, des rôles physiologiques, des rôles sexuels, etc. Mm-hmm. Jean-François Veilleux, sa collègue, je me souviens, au pouvoir citoyen. Oui, 10 choses à savoir sur la France, partie 1. Donc, je veux pas dévoiler de punch, mais je pense qu'on va en reparler. Est-ce que tu te sens agressé parce que je te pointe? Ça pointe, pas poli. Oui. Ah arrête non, de... je suis pas poli. On dirait ma sorcière bien-aimée ou je sais pas quoi, qu'elle essaie de lancer des sorts. Non, elle, c'était avec non, son c'était le nez. T'as raison. C'est qui le doigt? Sabrina. Oui. Malgré que moi, j'ai plein de tics de nez. Fait que peut-être bon. Que je suis une sorcière. Si t'en parlais pas, on le remarquerait pas. C'est comme ton trou en dessous de ta manche l'autre fois. Personne s'en serait rendu compte, ça allait pas dire à tout le monde. Ben, coudonc. Le revers de la médaille, un autre gars qui essaie de brasser là, les opinions des gens. Il veut attirer des commentaires, je pense. Oui, Michael Mani, on a une chronique très audacieuse ici qui nous parle de l'actuelle montée de lait contre l'homosexualité. Mm-hmm. Donc, autant en Europe qu'aux États plus ou moins unis d'Amérique. Oh! Pour vrai, allez lire ça. C'est très audacieux. Si vous voulez être de mauvaise humeur en lisant ça. Pourquoi de mauvaise humeur? Non, c'est pas... On n'est pas nécessairement contre son opinion. Non. Hein? Mais en tout cas, ouais. Le fantasque Hubert Sanson existe, non? Il est là. Non, c'est toujours très bon, c'est sa caricature style sur l'actualité. Toujours les jeux, bien sûr. On passe en art et spectacle juste après cette petite chanson qu'on s'en entend. On écoute Jane de White Horse. Hey, bonne idée. Je sais bien. Pas besoin de me dire, je sais. Il est comme un bonne idée. Tu penses que je passe la musique de... J'essaie d'être fine, là. Je prends tout personnel, hein? C'est pas vrai. So close, Jane, she gets so close. Jane. Bon, ben là, tu vas me défendre, là. Mais Stéphanie m'accuse... D'être guédaille parce que je m'aimais du fer plat dans les cheveux, parce que je me fais platisser les cheveux. J'ai pas le choix. Est-ce que t'as vu mes photos sur Facebook? Oui, c'est tout à fait... C'est justifié, j'ai pas le choix. Moi, je les ai pas vus. Est-ce que tu peux avoir un afro, c'est-à-dire? Non, c'est pas un afro, c'est juste un... C'est affreux. C'est affreux. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la page d'Assemblage requis pour tous nos auditeurs? T'as l'accès, je pense. Va donc les sharer sur Assemblage requis, s'il te plaît, Steph. Hey, non, j'ai pas l'accès du tout. Je te donne l'accès tantôt. Ah ouais? C'est bon. C'est cool. On est toujours dans la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis, accompagnée d'Annabelle Maton, Jean-Philippe Charbonneau et moi-même. Allô. Hello. On est rendu en art et spectacle et on commence, on a déjà parlé du parti de la rentrée. On commence avec Dylan Perron et Elixir de Gumbo. Oui, une belle découverte musicale. Donc, ça nous raconte quelques péripéties de la soirée, puis l'origine du nom Elixir de Gumbo et... Pour vrai, je suis certaine que vous êtes intriguée. Pourquoi Elixir de Gumbo? Ben oui, c'est quoi ça? Hein, Gumbo, c'est une sorte de soupe. Pourquoi? Ben, vous irez lire. L'huître contre Kik, première victoire pour Trois-Rivières. Oui, donc, pour la première fois en 4 ans, c'est la l'huître qui a remporté le match. C'est cool. Ils se sont pas fait kicker out, finalement. Donc, dans cet article, on vous parle, mais qui est le Kik? On vous parle aussi description du match et aussi quelques accidents qui sont arrivés au cours de la soirée. Donc, il y a toutes sortes de fluides qui se sont déversés. Du jus de nouilles. Si vous voulez savoir quels fluides se sont déversés, vous devez aller dans le journal. Moi, je vous révèle pas tout. J'essaie de vous intriguer. Tu titilles pas mal, je trouve. Ouais. Nouveauté de l'ONF, les documentaires à l'honneur. Oui. Oui. Mais c'est parce que tu dis les titres, là, je suis comme, OK, où je dois commencer maintenant? Donc, on a les nouveautés de l'Office national du film qui seront de retour à Trois-Rivières où seront présentées gratuitement des projections documentaires à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Mmh. Donc, si vous voulez savoir un peu les documentaires qui vont être à l'affiche, tout est là. Mmh. Je pense qu'on prévoyait sauter par-dessus, mais t'allais voir Sugar Sammy. Oui. Donc, on parle du spectacle de Sugar Sammy. Donc, susceptible s'abstenir parce que c'est un spectacle baveux, mais attachant. Donc, on nous parle de son approche avec le public, un peu les sujets qui sont abordés. Puis il y avait en première partie un journaliste de poche. Non, c'est un humoriste de poche. Oui, c'est ça. Oui, c'était un petit humoriste. Il est à peu près de ma grandeur, là, 5 pieds 3. Donc, il était très mignon. Très drôle. Cute, oui. Critique musicale, maintenant, Maxime Tanguay nous parle de 2 nouveaux albums. Oui, que je te laisse prononcer. Écoute, je te laisse terminer d'en parler. Signed and Sealed in Blood de Dropkick Murphys et 3 in parenthesis, 3 parenthèses, de Crystal Castles, 3 écrits avec des i. Merci Mathieu, c'était beau. Fait plaisir, merci. Ça serait pas sorti comme ça du tout. Est-ce qu'on passe en sport? Oui, on passe en sport. On commence avec le soccer féminin et masculin. Donc, on nous parle des matchs à domicile. Premièrement, ils ont joué contre Laval. Malheureusement, ils se sont totalement défaits, détruire. C'est ça. Plein d'autres synonymes, là. Vous pouvez les ajouter. Et finalement, ils ont joué contre McGill. Donc, se sont un peu repris. Du côté des femmes, c'était match nul. Mais les hommes ont gagné haut la main. Haut les mains! Comment? 1-0. 1-0. Soccer, d'habitude, c'est pas... Les scores sont... Non, je pense que c'était comme 4-0, quelque chose comme ça. Incroyable. Oui, c'était fou. Chronique de Maxime Bilodeau, la routine sur rouleau compresseur. On nous parle de la routine dans les entraînements. Donc, est-ce que c'est efficace ou non, la routine chez un athlète? Si oui, pourquoi? Allons le découvrir. Cocher oui, cocher non. malgré une défaite en levée de rideau, ça veut dire quoi ça? Ben bref, c'est un retour positif pour les Patriotes. Donc, après avoir perdu Patriot Hockey, oui, est-ce que je l'ai dit? Non, Patriot Hockey, on parle de hockey. Est-ce que j'ai dit hockey? Je devrais juste me concentrer et dire hockey à place d'essayer de comprendre les titres, parce que moi, les sports... Oui, c'est ça. J'approuve. Après avoir perdu le premier rang dans l'Est, les Patriotes Hockey ont réussi à se réapproprier le premier échelon grâce à des victoires convaincantes face à Ottawa et à Concordia. Donc, petite description du match disponible dans la Zone Campus. Yay! Et on termine avec la chronique éditoriale sportive. On va se le dire, là. Avec le lockout est terminé. Uh-huh. Les hauts et les bas. Parce que oui, il y a des hauts, mais il paraît qu'il y a aussi des bas à la fin du lockout. Hein? Uh-huh. Toi, Mathieu, tu te sens totalement interpellé. Je vois le néant total dans ton regard. En tout cas, OK. Ben, c'est cool, ça. Oui, fait qu'on termine là-dessus. Ça finit bien? sur le néant. Un blackout de Mathieu Plante. Donc, Zone Campus, le plus récent numéro est en kiosque du 21 janvier au 3 février 2013. Retrouvez-le avec la couverture de The Matchup. Oui, magnifique photo. Oui, ben les cheveux sont bleus. Ah oui, c'est beau. C'est comme tout bleuté, vert, turquoise. Mais c'est voulu, là, c'est, contrairement aux unes qui sont juste mal calibrées côté photo. Non, celle-là, c'est voulu. Voilà pour Zone Campus. Merci, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner en musique un peu. Allons-y. Ben oui. Tranquillement, avec pas vite. Avec quoi? Pas trop. Je me le demandais, je me disais, du gros menu, ça fait très bien. Canaille. Ah, canaille, on a tout ça? OK. Canaille, si tu veux du canaille, je vais te mettre du canaille. Moi, t'as pas besoin de me le demander deux fois. Hein. Malade. Il reste à le trouver, ça. Merci. Hey, en attendant, on peut jaser. En spectacle, le 14 mars, à la salle où il fait les poissons. J'aime bloup, ça, bloup. J'ai Mathieu. C'est moi, ça, le bloup. Bon. Oh non, je t'ai devancé. Non, on fait vraiment un foie de canaille. Oh non, Lynn. Deux gars qui font des jeux de mots. Elle vient de dire man. Ouais. C'est ce qu'on est. C'est ça. Ben oui. Man to man, boys to man. Oui. Assume-toi en tant qu'homme. En tant que dude. Ouais. Dude love. Quelle pièce de canette tu me suggères à la belle? Ben, comme tu veux, là. OK, bon, ben, je vais te mettre bien là. Ouais. Est-ce que c'est bon, ça? Ça te va? Ouais. Mm-hmm. Voici Canal, j'acquiesce. C'est pas, de ta sondage, Vicky. Je triple. C'est pas du pâté chinois. À gagne. Oh, me laisse à mon café. Ah, il me semblait aussi. Elle nous fait jouer une chanson, Annabelle, puis elle est même pas là pendant qu'elle joue. Moi, je trouve pas ça professionnel. Ben, là. Ah, d'accord. La la la, je t'avais même fermé ton micro, ça. Donc, c'était Canaille avec Bien-être. Assemblage requis pour Annabelle. On revient après la pause, après l'info campus. On va avoir la chronique de David Ferron. La langue dans ton oreille nous présente la musique de gens qui ont fait de la télé-réalité, si j'ai bien compris. On dit que télé-réalité peut égaler qualité quand même. Mais j'ai des doutes. J'ai hâte d'entendre ça, moi. Ouais. Et Annabelle Maton, on va être là aussi pour sa chronique Je t'aime moi non plus. Oui. On parle de prostate. Et voilà. Top. Jean-Philippe est intrigué. Oui, je suis intrigué. Mais en plus, je ne serais même pas là. C'est dommage. C'est exceptionnellement, vrai. Je dois dire, en plus, j'ai une prostate. Oui, en plus, j'en ai une. La vie fait bien les affaires. Ah, quand même. Pour l'instant, c'est l'info campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 23 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, Jean-Philippe. Charbonneau. Etc. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent des bois parce qu'ils pensent que c'est vraiment ton nom, mais c'est juste sur Facebook, apparemment. J'ai appris ça récemment. J'en fais les manigances. Bois, et si fin finot, c'est comme Jasmine Lagaffe de Drainville, c'est pas vraiment Lagaffe son nom. Non. Il y a aussi Annabelle Maton. Salut. Stéphanie Paradis. Bonjour. Voilà. David Ferron s'en vient dans quelques minutes, j'espère, avec sa chronique La langue dans ton oreille. Pour l'instant, on écoute chose. Maxime Desbiens Tremblay. Voici Sarah. Avec un H. Sarah avec un H. Sarah avec un H. C'est l'été indien. J'ai de la misère à croire. Hier soir, t'as claqué la porte. Ça m'a prouvé d'un de t'étais la plus forte. Je me connais, je suis trop bon. Quand il est question de traîner jusqu'au fond, ça serait facile de te laisser revenir, mais je suis encore trop fragile, puis je suis en train de vivre le pire. Ça serait débile de te laisser revenir. Make-up, sexe, promesse et new deal. Mais j'ai poussé ma luck trop loin. Puis là, je me ramasse sur le sofa, pas de coussin. Laisse-moi dire merci d'être parti. Merci d'être parti. Va tout s'en va, mais reste toujours de quoi. On était rendu au bout de la run. On fait les débuts. C'était plus fun pour personne. Comment je vais faire pour t'oublier? Y'a tellement de souvenirs qui me ramènent à toi. Un coin de rue, une tourne entendue. Le nom des enfants qu'on n'aura pas eu. Merci d'être parti. Merci d'être parti. Sarah avec un H. Avec un H. Maxime Desbiens-Tremblay, celui qu'on appelle Tremblay par son nom d'artiste. Manolo, quand on dit son personnage dans Ramdam. Oh. Il doit être tanné en tabarnouche de se le faire dire. Mais bon, c'est pas grave. On l'aime pareil. Peut-être pas ma pièce préférée de Tremblay, par contre. Annabelle, toi non plus. Ouais, mais merci, parce que je suis un peu pas découragée, là, mais sceptique. Ouais. Ou non, t'es sûre, mais que t'aimes pas ça? Non, mais là, c'est pas avec dis-nous une pièce tout. Qu'on connaît un artiste, là, quand même. Mais non. Avec cette pièce-là, ça m'a pas convaincue, mettons. Voilà. Mais je vous laisse le bénéfice du temps. Ouais, c'est ça. Le temps de me convaincre que c'est bon. Voilà. OK. Maintenant, tiens, vous savez, c'est pendant le mois de janvier, c'est le mois de janvier épique. Ou janvier épique. Une nouveauté par jour, tous les jours, pendant 31 jours, du lundi au jeudi, à Assemblage requis. Quelque chose de nouveau, quelque chose de fun, une nouvelle chronique, un nouveau chroniqueur. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Hey, là, je suis énervé, là. C'est énervant, là. Ah, oui. Hier, qu'est-ce que j'ai fait comme nouveauté? Hier, c'était quoi, non? C'était Laurie. Laurie Gauvin. Gauvin. Lundi, c'était Jean-Philippe, la nouveauté. Eh oui. T'sais, quelque chose de nouveau comme ça. Aujourd'hui c'était Mémo Fun, non? Non! Oh. Il était nouveau, j'imagine qu'il était frais, j'ose espérer que tu n'as pas oui. Vu ma femme. Bon. Non, c'est en fait une nouvelle chronique qui va vous permettre à vous, chers étudiants étrangers qui arrivez à l'UQTR peut-être au mois de janvier, je sais pas, on va faire ça l'année longue. Là, fait que, surtout qu'il y a quelqu'un nouveau qui arrive, qui connaît pas trop le français, on va lui enseigner un petit peu. Dans la chronique, parlez-vous le français. 1, 2, 3, 4. Pas fini encore. Oui, la piscine. Je crois que ça dure trop longtemps, on est en train d'enlever des morceaux de vêtements. Peut-être un peu. Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Donc, parlez-vous le français? Ouais, beaucoup, beaucoup trop long, je sais bien, mais quand même, c'est si drôle. Mais non, si plaisant. J'ai apprécié le moment, là. Ouais. On faisait des vagues de bras, puis. Donc, parlez-vous le français, la chronique où on apprend le français aux nouveaux étudiants. Et leçon numéro 1 aujourd'hui, vous allez répéter après moi, évidemment. On commence en français. Répétez, mettre la charrue devant les bœufs. Mettre la charrue devant les bœufs. En anglais, putting the horse before the police. Putting the whore before the police. On revient en français. Mettre la prostituée devant la police. Mettre la prostituée devant la police. Hein, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour mettre une prostituée. Juste comme c'est pas le meilleur endroit. Non, non, non. Oh, mon Dieu. Ensuite, deuxième leçon. En français, répète après moi, lèche-vitrine. Lèche-vitrine. En anglais, leaking the windows. Leaking the windows. On revient en français, magasiner pour une version de Microsoft Windows. Magasiner pour une version Microsoft Windows. Et il faut évidemment s'assurer de vous choisir la mise à jour si vous avez besoin de mise à jour et la version complète si vous avez besoin d'une version complète. Il y a des critères de sélection. C'est difficile. Demandez à un vendeur. Je savais que tu choisirais Annabelle pour le lèche quelque chose. Pour mon lèche quelque chose, c'est Annabelle. Hey, je pourrais te déstabiliser en disant, répète après moi, en français, es-tu prêt? Oui, vas-y. Il faut que tu répètes après moi. Ok, je répète, oui. Es-tu prêt? Je suis prêt. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Dernière leçon, on commence en anglais cette fois-ci pour varier un petit peu. Donc, en anglais, block heater. Block heater. En français, réchauffeur de bloc. Réchauffeur de bloc. En anglais... Building Heating Manager. Building Heating Manager. Et on revient en français, responsable du système de chauffage dans un bloc appartement. Responsable de chauffage dans un bloc appartement. Et le chauffage. Système de chauffage. Système de chauffage. J'ai paniqué. Suis. Le chauffage n'est pas toujours inclus dans le prix de votre appartement, donc assurez-vous de parler à votre propriétaire. Hein? C'est très bien, important. Ouais. C'était Parlez-vous le français. Oh, wow, plein de belles leçons. Quand même, là, on apprend le français pas à pas, mot à mot. Ça vaut la peine. Pas à pas. Oui, pas à pas. Full fafa. Donc, on retourne en musique. On s'en va entendre une pièce de... on dirait que j'ai tout joué cette semaine. Attends, Galaxy. Qu'est-ce qu'il nous reste? Galaxy. Bon. On se reverra à droite pendant que vous parlez. Je cherche du Galaxy. Allez-y. Parlez. Il y a beaucoup de bruit de bouche dans cette émission-là. Hein? Des farafara, puis... Différentes sortes de bouches. Il y a la bouche de... D'en bas aussi. Il y a de... Quoi? Hein? La bouche d'égout? En bas? Attends. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Aussi Camouflard de Galaxie à Assemblage Requis. une galaxie et camouflard à assemblage requis. Demande spéciale d'Annabelle, on va la laisser en fond. La poursuivre, parce que c'est donc ben bon, Galaxie. C'est tellement bon. Donc, Jean-Philippe doit nous quitter tout de suite. Ben oui, cours l'oblige, mais je serai là demain. Oui, on va t'attendre et on va t'accueillir les bras grands ouverts et les gens. C'est pas que l'embouche, bottelé, c'est vrai que ça goûte mauvais, puis ça marche. Voilà. Le slogan devrait être « ça goûte mauvais, mais ça marche », non? C'est pas meilleur que « ça goûte mauvais et ça marche »? Mais ça marche, ouais. Comme un contraire. Là. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Merci Jean-Philippe, à demain. Merci, à demain. Nous, on continue toujours avec Annabelle Maton et Stéphanie Paradis à Assemblage requis. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que t'es prête pour une chronique « Je t'aime, moi non plus »? Ah ben oui. Parce qu'on se permet d'enlever Galaxy et de leur dire « à la prochaine ». Je t'aime. Je t'aime. Ah oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Ah non? Non. Non, toi, Annabelle, je t'aime. Entre tes reins. Entre tes reins. Et je me retiens. Comment gâcher une intro, les filles, mais bravo. Donc, Annabelle, Maton, je t'aime, moi non plus, c'est ta chronique coquine. Ben oui. Et de quoi on parle aujourd'hui? On a eu des indices tout le long de l'émission. Mais non, mais je sais pas, hein, t'as prononcé le mot genre 5 fois. Je sais pas. Est-ce que d'affilée. Est-ce que j'étais... Ouais. Est-ce que prostate, j'étais... prostate, non. Prostate. J'allais faire une blague, je demandais si j'étais prostate. Ah! Prostate, prostate, tenté, prostate. Oui, oui, oui. Non. Il fait chaud, le thermostat. Ben, c'est bon, on va enchaîner, Annabelle, oui, tu veux? Ben oui, mais en fait, je trouvais que c'était comme un bon sujet de chronique parce que ça faisait un rappel avec la semaine dernière. Sur le point G, le double, ben double G. Ben oui, c'est ça. Puis c'est le point G masculin cette semaine parce que les hommes, ne faut pas les laisser de côté. Tu sais, il faut aussi parler de leur sexualité, de leur anatomie parce que. Faut pas les laisser de côté, il faut les mettre de derrière. Ben oui, les mettre de derrière. Strap-on. Pas pire, ouais. Hey, des jokes de strap-on. Des jokes de strap-on. Oh, pourrait, ouais. Hey, c'est trash pour 8h20. Autre chronique. Deux filles trash le matin. Ah oui, ça va être pour la session prochaine, tout le monde, la session d'automne. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, j'ai fait des petites recherches, puis tu sais, comme historiquement, c'était comme une pratique qui était vraiment très courante avant, qui l'est comme un peu moins de nos jours, parce que c'est extrêmement tabou. Ça s'est tabouisé, finalement. Ben ouais. Ça l'était pas, ça l'est devenu, puis là, on espère que ça va comme arrêter de l'air. Mais tu sais, la religion, là, ça a castré bien les affaires, tu sais. Ben, c'est ça. Ça fait comme quelques siècles / millénaires que, les hommes se sont gardés une petite gêne après. Oui, ils ont fait ça de façon plus secrète. Oui, en cachette. En cachette. Oui, c'est ça. Elle est située où, messieurs, si vous ne le savez point? Elle est située entre votre vessie et votre périnée. Vous ne savez pas ce que c'est le périnée. Je m'excuse, non, moi, la biologie et tout. C'est la section comme entre les testicules et l'anus. Ah, d'accord. Zone fortement érogène chez certains. Pour aller la stimuler, il suffit d'introduire un doigt comme pour stimuler le point G de féminin, finalement. Là. Comme les doigts... Moi, je pourrais expliquer ça de façon claire. Ben, les doigts vers l'avant, il faut courber le bout des doigts. Faire un crochet. Aller taper dessus. OK. OK, il faut taper. Ben, pas taper, mais comme, tu sais, tapoter. Ouais, tapoter. Tapoter. C'est ça. Une nuance, là. Mais en faisant des petites pressions que j'avais notées, mais tu sais. En tout cas, ce qui est un peu étrange, c'est que l'excitation, l'homme peut se sentir excité même s'il n'est pas en érection. Comme moi, puis j'ai vu un documentaire sur internet d'un homme qui relatait comme son expérience, comment il avait vécu ça. Avec l'orgasme anal, en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'avec un jouet, parce que, tu sais, pour un homme seul, il peut pas vraiment aller se jouer là. À moins d'être vraiment flexible. En solitaire. Oui, voilà, tu sais. Fait que ce qu'il expliquait, c'est qu'avec le jouet, il pouvait comme atteindre différents paliers d'orgasme. Mettons, il y avait un premier orgasme, puis il continuait. Puis c'était toujours comme de plus en plus intense. OK. Fait que l'homme peut avoir de sans multiples pause. Orgasmes. Ben, sans pause, ben oui. Relativement courte pause. Tu sais, mettons, avant le premier, ça peut prendre une vingtaine de minutes. Okay. Vous n'êtes pas habitués, messieurs. Non. De vous tâter la prostate. Donc, de vous prostater. De vous prostater. Ah, mais je mets un petit peu de légèreté dans cette chronique-là. On fait l'éducation sexuelle des gens et j'espère que les gens sont corrects avec ça. Parce qu'on est rendu en 2013. Mais les tabous, c'est fini. Mais oui. Voilà, on continue. Et jouer dans votre anus. Dans le fond, là, les hommes sont multi-orgasmiques aussi, finalement. Ben oui. Ah! Ben, pas tous, là. Comme ben, ça, c'est pas ouais. toutes les femmes qui réussissent à avoir tout plein d'orgasmes à la suite de l'autre, là. Mais donc, là, il est plus supposé avoir de jalousie des hommes pour cette faculté-là. Les relations sexuelles n'en seront que plus riches. Hey, c'est le fun. Ça aide tout le monde. Mais ben oui! Mm-hmm. Ben oui. Puis, mais dans le fond, c'est ça ce qui rend la chose un peu tabou. C'est que souvent, les hommes ont l'impression que s'ils aiment la sodomie, la pénétration anale, ils font une espèce de rapport avec l'homosexualité. C'est ça. Oui, c'est ça, mais ça a tellement pas rapport. Mmh. Mon Dieu. Bon, alors, mais messieurs, découvrez ce plaisir. Écoutez-nous, là, il n'y a aucun lien entre l'homosexualité et les plaisirs anneaux. Est-ce qu'on dit anneaux? On peut dire anneaux, ça sonne mieux, on dirait. Ben oui. Donc, on va parler d'anneaux, tu te sens moins perturbé. C'est le rapport sexuel. Ouais. Oui, ah, c'est bon ça, comme ça. Oh mon Dieu, alors n'ayez crainte, monsieur, il n'a pas d'atteinte à la virilité. Ouais, pour atteindre l'orgasme, c'est ça, c'est comme important en fait de pas concevoir ça comme quelque chose qui est un peu étrange. Faut vraiment être à l'aise en fait, parce que c'est surtout comme l'état psychologique qui prime. Faut vraiment comme être détendu et zen. Avoir, oui, c'est ça, et avoir si vous n'avez pas de partenaire. Avec assez de courage pour vous tenter la prostate. C'est ça aussi, hein? C'est peut-être difficile de convaincre l'autre personne de faire ça aussi. Il faut aussi se munir d'un jouet. Et ce qui est comme très intéressant, c'est que dans le documentaire que j'ai regardé, le monsieur, l'homme, disait être capable, seulement en contractant les muscles, de se procurer mm-hmm. du plaisir à force de jouer là. OK. OK. Ouais. Tu nous posteras le lien vers la vidéo sur Facebook, à moins que ça se fasse enlever. Ah. Non. Mais non, mais là, c'est vraiment pas vulgaire non. comme vidéo. Là. Je penserais pas que... C'est informatif et tout. Mais oui. C'est un peu étrange, par contre. Ça avait l'air un peu d'un stage sexuel. Ouais. Un stage sexuel en milieu... Ouais, ben... Moi, en tout cas, c'est une espèce de petite rencontre en groupe. Là, il expliquait des choses. Puis là, je pense que... Ouais. Ah, genre de trucs comme à Canal Vie, là, le... Les regroupements d'hommes oui. là, qui vont comme en forêt. Pis, oui, exactement. Ils sont comme tout nus puis ils essayent de sortir leur virilité entre hommes. Là. Ouais. Ouais. Et ben. C'est... Ouais, ouais. Puis de ce que j'ai entendu et lu, en fait, c'est assez unanime. Là, la pénétration et la stimulation de la prostate, c'est vraiment pas la même chose. Le plaisir est beaucoup plus intense quand on se fait tâter la prostate. Lors de la pénétration, finalement. Hmm. Puis il y a comme aussi trois types d'orgasmes différents chez l'homme. Il y a l'orgasme que l'homme peut avoir avec la pénétration, mais en pénétrant un partenaire. Il y a l'orgasme aussi prostatique, là, celui qu'on a genre, en se faisant tâter la prostate. Mm-hmm. Puis aussi, ça, c'est un peu plus étrange. Là. Je dirais, c'est... En tout cas, la stimulation du coccyx. Du coccyx? Ouais. OK. Ah. Ouais. J'imagine drôlement. Mais mettons, les médecins, je pense, les médecins gynécologues, ben, gynécologues de prostate. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Sais-tu, toi? Un proctologue. Un prostaticien. Okay. Ouais, c'est ça. Mais ils ont comme conçu une espèce de jouet qui s'appelle l'anéros, qui épouse vraiment les formes de l'anatomie masculine. Puis ça va vraiment comme... stimuler la prostate, puis en même temps, ça frotte sur le coccyx, puis tu peux comme tirer sur un petit cordon, là. Puis ça stimule les deux en même temps. Parce tirer que, la là, chaîne. C'est bien hot, là. Ah, c'est bien bizarre. Ouais. Ouais. On apprend des choses. Je vais aller explorer ça. Ben, va donc explorer, cher. va donc explorer coccyx. Hein. Puis je poursuivrai avec des petites anecdotes, parce que dans la vidéo, justement, il parlait de quelques trucs qui étaient assez drôles, comme... Mais la pratique au Japon s'appelle l'enemagra, puis les hommes se réunissent comme en club, là, mm-hmm. genre dans un petit endroit comme ben intime, c'est ça. Mm-hmm. Puis en groupe, ils se stimulent la prostate. L'un l'autre. Comme en groupe, c'est comme une espèce de orgie. Ben, ouais, ça ressemble à ça. Les Asiatiques font plein de trucs en groupe. Que, ouais, ben, c'est ils masturbent en groupe, ils se suicident en groupe. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Mm. Mais en fait, c'est vraiment de se les imaginer comme, je sais pas, genre en groupe en train de tirer sur la petite manivelle de l'anéros. Je sais pas. Pourquoi pas en même temps? Pourquoi pas? Ben oui. Puis il y a aussi un autre petit témoignage que j'ai lu d'un homme qui voulait essayer ça, finalement, la pénétration anale, puis que dans le bain, s'est inséré des doigts et c'est comme... sais pas si c'est un peu trop trash pour que j'en parle à la radio. C'est mal parti. Non, ça va, vas-y. Ouais, c'est au pire, tu feras des bips. On va couper ça au montage. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, ouais, dans le fond, c'est ça. L'homme qui se pénètre avec les doigts puis se masturbe en même temps. Ouais. À ce qui paraît, c'est la jouissance la plus intense qu'il a eue dans sa vie. Ouais, c'est ça. Puis j'ai aussi beaucoup lu sur des hommes, en fait, qui, après avoir essayé avec l'anéros ou avec des jouets en solitaire, voulaient, t'sais, fantasmer, mais carrément, pour que leur partenaire les prenne en doggy style avec un strap-on dildo. Il y a eu comme un petit effet... Ouais, mais je pense que quand tu découvres ça en tant qu'homme, puis que tu t'assumes, je pense que c'est comme un autre monde, là, comme une espèce de... Oui, je pense que la plus grande étape, c'est vraiment de s'assumer, puis après ça, quand tu t'abandonnes, exact, là-dedans, tu découvres plein de nouvelles choses... Faut arrêter d'être aussi prude et fermer l'esprit comme je le sens peut-être en riant. Mais c'est pas le cas, là. C'est juste qu'on n'est pas habitué d'entendre ça à l'assemblage requis, mais c'est tant mieux. Bonne chose, faut faire l'éducation des gens. Bon. Ben oui, ben voilà. Voilà. Puis c'est ça, en fait, faudrait pas que ça reste tabou, parce qu'il y a comme certains hommes qui n'assument pas ça et qui prennent comme des objets de la vie quotidienne. Ça peut être dangereux. Du plaisir. Oh. C'est, ouais. En fait, il y a comme. En fait, c'est tellement courant. De retrouver comme des hommes à l'urgence avec quelque chose de coincé dans l'anus, ouais, là, ben dans le gros colon, là, que il y a deux médecins californiens qui ont écrit un livre qui s'appelle Stock Up. Ah ouais, dans lequel, ouais, là, ils parlent de cette espèce de phénomène là, puis là, ils montraient des radiographies sur internet. Mm-hmm. On retrouvait des Barbies iPhone. Ah, ça coûte tellement cher. Oh, come on. Des chaussures pour enfants. Puis il y avait même un Buzz l'éclair. Je sais pas si c'est gros. Buzz Lightyear. Toy Story. Ouais, mais genre vers l'infini et plus loin encore. Mais c'est parce que c'est gros, puis c'est comme tout. C'est pas agréable. Non, pour vrai, là, messieurs, si vous voulez essayer ça, assumez-vous, allez dans une boutique érotique, ben oui, achetez quelque chose qui est fait pour ça. Il y a un stopper pour pas que ça reste coincé. Ben oui. Parce que si vous avez pas cette région-là, c'est pas vraiment fait nécessairement pour rentrer des objets. Ben, il y a de la suction. Oui, c'est ça. Il y a de la suction. Ça prend quelque chose pour l'empêcher d'aller plus loin. Parce qu'essayez pas de sortir ça après. Là, c'est mais impossible. En même temps, même les commandes sur Internet, messieurs, tu sais, c'est anonyme. Tu sais, le colis vous est envoyé. Il n'y a pas de gros mots comme boutique érotique dessus. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Comme je disais l'autre fois, ça arrive pas avec une boîte écrit gros dildo méga trash sur ta boîte. Oui, c'est ça. C'est quand même discret. Là. Oh mon Dieu. En tout cas, puis j'ai été voir pour des faits à part, là, ça n'a pas rapport avec le livre Stock Up. Il y avait un article sur Internet qui disait qu'un homme s'était rentré une anguille dans les fesses. Ah, oh, quand même. Ah! Oh. Mais une anguille, là. Ouais. Ah! Oh, c'est mal. C'est tellement dingue. Puis, anguille sous roche, mais sans la roche. Il y en avait un autre aussi avec un obus. Oui. OK. T'sais? Militaire ou quelque chose comme ça, là. Ouais. Cool. Ah. Je sais pas à quel point, en tout cas, mais c'est ce que j'ai lu. Là, je sais pas à quel point c'était vrai, mais l'article avait l'air assez sérieux. Là. Ouais, ouais. Hey, j'espère que ça va nous mettre une chanson légère. Ben, en fait, moi, l'anguille, là, c'est venu me chercher. Ben, tu vois, j'ai fait un lien encore parce que je suis de même, moi. Oui, le petit hamster est court. On parlait d'anguille sous roche. Oui. Voici l'amour dans le rock. Ah, ok. Hein? Tu sais, ça va. Mais... Assemblage requis, merci à la belle Maton. Ça fait plaisir. bac de gros mini assemblage requis. Tantôt, j'ai beau avoir dit bye à Annabelle, c'était pas terminé. Non, c'est ça. Tu m'as comme castré dans ma chronique. Ah, mais Stéphane me dit, je pense qu'on va finir avec une toune, mais je pense qu'il y a quelque chose avec une toune. Bon, ok, c'est beau. C'est beau, je prends le blâme, pour vrai. Tu sais que j'ai la maladie de la staccose, hein? Jamais ma faute. La maladie de la staccose. Non, mais c'est bon, je prends le blâme. Ça me fait plaisir. Totalement. On enchaîne. Bon, on enchaîne toujours dans la chronique. Fait qu'on enchaîne Annabelle. On enchaîne Annabelle. Chronique adressée à un public mature, assez mature pour écouter ça. Ben, assez mature, puis c'est ça, qui a pas peur des vraies choses. Ça va droit au but, là. Hein? Droit au but, droit à la prostate. Voilà. Messieurs. Mais en fait, tantôt, je parlais de sextoy, de jouets. Puis, j'ai pas abordé un type de jouet comme assez étrange. Ben, tu sais, pour ceux qui connaissent pas les butt plugs, c'est comme un. Ouais. C'est comme une espèce de cône avec une base qui rétrécit, mais ensuite, il y a comme le stopper pour pas que ça aille plus loin, finalement. Mais ce type de butt plug est gonflable et vibre. Ben, il fait tout. Hein? Il fait tout. Mais c'est assez étrange. Mais tu sais, le fait qu'il soit gonflable, il y a comme une espèce de petite pompe. Fait que j'imagine que ça imite comme les mouvements des doigts qui viennent comme stimuler la prostate. J'imagine. Ah, je sais pas. Hein? Je pense. Je ne suis pas certaine. Je n'ai pas de prostate pour essayer. Ouais. Fait que Mathieu, tu vas nous revenir là-dessus la semaine prochaine. Fallait m'intégrer à ça. Tu iras t'acheter un petit bas de plat. Mais ouais, puis là, dans le fond, je vais juste terminer avec des petites recommandations comme. Ben, tu sais, pour la pénétration anale, finalement, parce que les gens ont tendance à l'oublier avec la pornographie qui est comme extrêmement, qui fait partie de nos vies. On dirait que les gens s'imaginent que la pénétration anale se fait avec un peu de salive, comme ça, parfois craché, hein. Ouais. Puis, tu sais, ouais, c'est ça, que la pénétration anale ne se fait que comme ça. Mais ça demande vraiment une assez longue préparation. Préparation, ouais, c'est ça, merci. Il faut rester relax, puis tu sais, comme être bien lubrifié, puis faut être bien dilaté avant d'insérer quoi que ce soit dedans. Ouais, puis aussi vous dire que la fréquence des rapports est à votre guise. Le seul risque, en fait, de la pénétration anale, c'est la perforation du côlon. Oh! Dépendamment des objets que vous insérez. Comme tu sais, Buzz l'éclair, ça se peut vous fasser une hémorragie interne. Retenez-vous. Non, on l'a dit tantôt, allez dans les magasins qui sont faits pour ça. Ils sont là pour vous conseiller et vous donner vous vendre des choses qui sont faites pour aller là. Ou sur le site d'Eros Québec. Il y a plein... C'est ma boutique, ça. Ou lors d'une soirée Eros... Ben ouais. Que quelqu'un organise dans votre... Entourage. Cercle d'amis, entourage. Ben oui. Passez-nous vos commandes. Là, c'est terminé. Oui, c'est Annabelle, terminé. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Une autre chronique, je t'aime moi non plus toutes les semaines. Les mercredis, d'habitude, c'est à 8h30. On l'a fait à 8h cette semaine. Ouais. C'est comme ça. Ben oui. En fait, ça va varier parce qu'apparemment, qu'à date, ça varie à chaque semaine. Dans quelques minutes, on parle avec David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Il nous présente des vedettes de télé-réalité. Et apparemment, que télé-réalité peut aussi vouloir dire qualité. On en doute depuis le début de l'émission. On saura si c'est vrai tantôt. Les sceptiques seront peut-être confondus. Ah, j'espère être convaincu qu'il existe de la qualité dans les téléréalités. La réponse tantôt. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bilodeau analysera la dépendance au sport dans sa chronique d'une foulée à l'autre. Jasmine Raymond-Dreville nous parlera des activités et actualités de la GEQTR. Et on discutera de politique avec François Landry et son segment Logocratie 101. C'est demain, 7h, à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 8h41, toujours à Assemblage requis avec Annabelle Maton. Hello. Stéphanie Paradis. OK, oui. Et moi, Mathieu Plante. Salut, allô, Mathieu Plante. Salut et allô ensemble, c'est jamais beau. Ça fait comme salaud Mathieu Plante. Ce salaud de Mathieu Plante. Mais excusez si c'était pas prévu, c'était vraiment une chorale improvisée. Ben ouais. Ben la oui. Prochaine fois, on va le faire en canon. Une à la fois. Annabelle. Salut Mathieu Plante. Je pensais que tu allais répéter la phrase que vous voulez. Oui. Ah, genre, ok, mais faisons un vœu. Waouh, on dirait des jumelles, genre. Ça a pas d'allure. Ouh, cool. Voici une version améliorée de la tristesse de Peter Peter. On revient avec David Ferron et la langue dans ton oreille. Version améliorée de la tristesse par Peter Peter. On pourrait mettre ça dans notre playlist de chansons tristes, notre play triste. You know? Oui. Oh. You know what I mean? Quand on a le goût de pleurer. Là. Oh, yeah. Yeah, yeah. Mm. Ouais. Version améliorée de la tristesse, comme avait dit Maxime Tanguay au palmarès la semaine dernière, c'est comme être triste à la maison, mais pouvoir aller sur Facebook. C'est ça, la version améliorée de la tristesse. Ah oui, c'est tristesse 2.0. Mais c'était ça, tu sais, j'étais tellement longtemps chez nous à pas avoir internet ou le câble, j'étais, tu sais, j'étais triste puis j'étais toute seule, mais quand j'ai eu Facebook, tu sais, j'étais triste mais j'avais du plaisir pareil, c'était comme une version améliorée de ma propre tristesse. C'est beau, hein? C'est très beau. Ouais. Hey, t'sais-tu quoi, moi je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment sur leur radio réveil. Ils se réveillent peut-être. Penses-tu? Tard un peu. Donc, on va s'écouter juste pour eux autres. Radio Réveil d'Atomic Baobab. Puis après ça, David Ferron s'en met parce que je le vois. Donc, quand on le voit, c'est qui est là. Ah, d'habitude. D'habitude. J'ai les blues, les journées grises me prennent d'assaut. C'est juste le temps qui passe, on viendra. S'il faut encore la joie d'être pris dans le trafic. avec des putes sur le bord de la route qui vendent des voyages au Mexique. J'y crois des fois encore, mais la folie se fait plus rare. Je m'y fais pas la routine, c'est vraiment pas mon exutoire. Il faut que je prenne la fuite, la prochaine sortie. Aujourd'hui j'en poche, je fais la paix avec ma folie. C'est comme les hommes, les années 80 qui avaient un mal. Quand on est en nous, c'est pour mener le décompte. Encore un air qui date de 1984. Nouvelle pièce que j'adore d'Atomic Baobab, c'est Radio Réveil, alors que Stéphanie et Annabelle sont en train de se chuchoter des mots d'amour à l'oreille. Ouais. On fait des complots. Oh, ben, contre David, Ferrand? Ben non, pas contre lui, mais pour lui. Oui. Ben non, mais je veux dire, c'est pas contre lui. Ça marche d'être pour lui? Okay. Ben, je veux dire, c'était rien contre. Donc, toujours avec Stéphanie Paradis et Annabelle Maton, David Ferrand vient d'arriver. Salut David Ferrand! Hé, hey, c'était supposé être pour moi le cœur l'autre fois, là, tantôt. Ah, ben là, je suis désolée. On se le fera la semaine prochaine. Okay. Oui, la semaine prochaine, on va se pratiquer, on va vraiment faire un canon. Oui. Puis je vais peut-être emmener ma flûte à bec, puis des trucs comme ça. Une flûte, mon coloc en a une. Bon! Il m'a réveillé avec l'autre fois, c'était vraiment drôle. David va faire quoi? Il va jouer du triangle en arrière? Ting, ting, ting, ting! Merci d'être là, David. Donc, voici sa chronique, la langue dans ton oreille. Ting! La langue dans ton oreille. Bonjour David Ferrand. Bonjour tout le monde, vous avez l'air enjoué. Il y a juste Annabelle qui danse pas, mais c'est pas grave, t'as lâché ça. Mais non, mais je dansais, mais de dans sa tête, oui. Elle danse dans sa tête. Ouais. C'est qui chantait ça? Céline Dion. Céline, mon Dieu. Reprise par Orange. Oui, en version bonne. Ouais. Ben meilleur, meilleur. Ah, pour vrai, ouais. Je savais pas. Un petit peu meilleur. Donc, David Ferron, aujourd'hui, tu nous parles de télé-réalité. Tout le monde a des doutes envers ce sujet-là. On l'a mentionné quelques fois dans l'émission d'aujourd'hui. Télé-réalité peut vouloir dire qualité. Oui, vous avez pas l'air d'être certain. Je vais essayer de vous convaincre. Même moi, dans le temps, j'étais pas convaincu. C'est sûr que j'ai regardé 5 minutes de The Voice dimanche, puis c'était assez pour que je vais d'un capsule d'aspirine. La voix avec Charles Lafortune, elle est en français ou la version originale? Je pense la version avec Charles Lafortune. En tout cas, je pense qu'il y avait Marie-Mé puis Ariane Moffat. Je me demande qu'est-ce qu'elle fait là, Ariane Moffat. Mais bon. Ben bon. C'est la voix indie. Son affaire. Ben oui, puis. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oui, c'est mes écouteurs qui ont décroché. Lâche tes boutons! Ah! Je croyais qu'on s'était quitté de manière abrupte, mais en fait, je vais vous parler de trois artistes. Ces trois artistes-là ont un point en commun. C'est d'avoir été gagnant d'une télé-réalité qui s'appelle Nouvelle Star, qui est en fait le dérivé d'American Idol en France. C'est pas Star Academy, c'est la version française d'American Idol. C'est un petit niveau en haut de Star Academy. Ouais, ben en fait, en France, vous allez voir que c'est deux coches au-dessus. C'est sûr que oui, ça reprend les codes de la formule américaine, c'est-à-dire qu'on fait les auditions, on rit de ceux qui sont vraiment pas bons. Ben oui. Les artistes, après ça, ils signent un contrat avec Sony en France. Prisonniers là-bas de Sony. Alors ici, c'est prisonnier de Québécois, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, prisonnier de Sony d'une certaine manière, mais on va voir que les trois personnages, si je peux dire ça comme ça, ont chacun leur univers distinct. Et si je dis artiste, ils méritent vraiment de se faire appeler artiste. Quand les gens de Star Academy se présentent artistes, ah, t'es pas ça, c'est plus des interprètes, tandis que là, c'est vraiment des gens qui participent à la production de leur album, à l'écriture et à la composition des chansons. Je vais vous présenter d'abord le gagnant de 2007 de Nouvelle Star. En fait, petite parenthèse sur Nouvelle Star. Qu'est-ce qui est bien, c'est que Nouvelle Star, les jurys, c'est vraiment des gens compétents. Pas comme Nicki Minaj. C'est vraiment des gens qui sont experts depuis des années et des années. C'est des vieilles briques dans chacun de leurs domaines, que ce soit des critiques musicaux, des producteurs de jazz, une chanteuse, oui, plus populaire, mais qui a fait ses preuves aussi. Donc... Vraiment, c'est un jury qui cherche des personnalités et des artistes parce que la plupart des, comme cette année par exemple, les concurrents, en fait, la majorité jouent d'un instrument ou composent leurs chansons, ont déjà fait partie d'un groupe. C'est des chanteurs qui reprennent à leur façon des reprises assez surprenantes, comme hier, j'ai vu la vidéo du Gangnam Style d'un des participants, okay. Mais version rock. Ça décoiffe. Je peux même poster la vidéo si vous voulez. S'il te plaît, sur Facebook, facebook.com/assemblagerequis. Oui, Gangnam Style version rock. Vous allez voir, ça, si vous n'aimez pas la chanson, vous allez peut-être l'aimer. Ce serait un bon défi à relever pour eux. Hein? Ça m'intrigue, moi. Ouais, finalement, vous, c'est comment pas sur. Hein, ça m'intrigue. Mais là, tu ne fais pas jouer ça. Non. Non. Je vous garde la surprise pour Facebook. Ouais. Le premier participant, en fait, le premier gagnant que je vous présente, Julien Doré. En fait, qui est-il? Julien Doré, c'est une espèce d'hurluberlu qui est le fils spirituel de Philippe Catherine. J'aime ma banane, ouais, etc. Oh, Philippe, j'ai comme des cœurs, genre, qui flottent autour de moi. Oui. Oui. Ah, ben voilà, Annabelle conquise. Et en fait. Il y a même Je conquise pour Philippe Catherine, pas pour son frère spirituel. Oui, ou son fils spirituel. Fils. Cousin spirituel, peu importe. Ou dans son famille. Ami imaginaire. C'est ça. Et Julien Doré, en fait, lui, qu'est-ce qu'il démarque? C'est ses reprises. C'est lui qui a parti la mode des reprises revampées à l'investisseur. Par exemple, il reprend Baby One More Time de Britney Spears dans une version alternative rock qui déménage. Bonne idée quand même. C'est pas nouveau, là, mais c'est une bonne idée de faire ça à Nouvelle Star. Non, c'est ça. Puis lui, en fait, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Dégop Elvis, Déterré Elvis. Donc, vous voyez le personnage. Julien Doré sur scène, c'est quelqu'un qui aime être théâtral, qui a pas peur de s'exprimer. Et, en fait, même en 2007, il a été élu... personnalité sexy, la plus sexy en France. Donc, Annabelle, je passe à l'intrigue, ou encore Stéphanie. Ah! On va voir. Tu mettras sa photo aussi sur la page. Mais ouais. Ça explique. Et là, la chanson que je vais vous présenter, ça s'appelle « Les limites », tirée de son premier album « Ersatz ». Et vous allez voir le clip, c'est vraiment drôle. En fait, c'est une parodie d'un spectacle que Serge Gainsbourg a fait dans les années 60 à la télévision. On écoute ça. À son âge requis, c'est la langue dans ton oreille. Je déteste dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raison qui respectent les limites. Hey, je ne me fais pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites, aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites, sans un problème éthique. Hey, je ne vais pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne vais pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Après je vais payer. J'ai dépassé les limites, aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide. Et parfois même du solide, bien en chair, bien en revanche. Hey, je ne vais pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. C'est après je vais payer. Je ne vais pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer tout ça. Alors je vais par ici la monnaie. Et c'était Julien Doré avec Les Limites. Et je crois que les filles ont l'air assez... Ouh! Comment? Ben, par son apparence en noir et blanc. Oui, il est beau en noir et blanc. Il y a plus de texture. Il y a plus de couleurs en noir et blanc. Ah ouais, c'est comme Jean Dujardin, dans le fond. Ah. Hein? Et T Artist. Pas dans ma palette. Ah, OK. Ah, palette de couleurs. C'est ça. Hey, bref, Julien Doré, on a adoré. Oh! Ben, tant mieux. Finalement, c'est vraiment pas pop du tout. Là. Pour quelqu'un qui est sorti de l'équivalent de American Idol, c'est pas pop. Là. Non, c'est ça. Puis comme je l'ai dit, les jurys cherchent vraiment des artistes, des gens qui vont détonner. En fait, c'est comme l'ennemi de Star Academy. C'est comme le péché mignon des hipsters en France, Nouvelle Star. C'est le côté bobo de Star Academy, en fait. Cool. Oh, mais les hipsters, ils trippent pas sur des affaires avant que ce soit populaire. Puis après, ils disent « Ah, c'est beaucoup trop mainstream! » Deuxième choix. Ouais. Oui, c'est Sohan. Là, je saute une année parce que je vous ai présenté le gagnant en 2007. Oui. Je saute 2008, je vous réserve le punch de 2008. Il et là, à la fin de 2008? Oui, okay, je vous explique pourquoi. Et 2009, c'est Sohan. Qui est Sohan? C'est un chanteur de métro qui a décidé de faire ses auditions. Il passe et là, son style... Il est passé à la caisse, chanteur de métro. Métro. Oh, belle commandite. Voilà. Et lui, finalement, son style, quand on l'écoute, c'est un mélange de Renault, Félix Leclerc, trio de 16. OK. Donc, c'est un mélange de folk avec une espèce de poésie qui lui est propre. Vraiment, les critiques ont reconnu ses talents de poète. Et c'est un chanteur qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui va, après ça, dire Nouvelle Star, a été une mauvaise expérience, mais ça a été bon pour ma carrière. Bref, c'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un qui déroute, quelqu'un même que... qui va déranger. Et en fait, Sohan, concernant le Zénob, parce que vous saviez que le Zénob l'a déjà invité à se produire là-bas, c'était cet automne. Donc, le Zénob a déjà accueilli une star de la télé-réalité. Eh bien, mais quand même. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Quand même. On voit que la nouvelle télé-réalité en France, c'est de qualité des fois. Des fois. Peut-être la chercher un peu, mais il faut écouter ta chronique, ça, pour savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson qui s'appelle Next Time, tirée de son premier album qui s'appelle Tant pis. Donc, Next Time de Sohan. On écoute ça à Assemblage Requis, encore dans la langue, dans ton oreille. Je suis fou. J'ai vendu la santé de mon dos en me pliant durant des semaines à grand renfort de bien sur chef. Je suis là pour ça comme pour le reste, l'aiguille des minutes se fout de ma gueule. La vie est une pute, alors pourquoi je me sens si seul? J'ai stoppé là, c'en était trop et fraudé le métro pour la peine avec en mon cœur l'allégresse de me foutre de ça tout comme du reste. Et depuis je me suis fait marginal. Je me laisse pousser les rêves et je cours après les étoiles quitte à me faire mal. J'crois que la vie c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'crois que la vie c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'aime tant chanter l'amour, ma mère, même s'il y a plus tant de choses que j'aime. Si j'ai des bâtons dans les roues, qu'aurais pu guérir d'un je t'aime même. Nuancé d'infos que tu grandisses, mon fils, avec affection prononcée sur le ton propice. J'aime tant chanter l'amour, mon père, même s'il y a tant de choses que je déteste. Et tant d'humains à qui la peste irait comme une veste en velours. Mais putain, quand est-ce que tu me dis que t'es fier de ton sale cabochard de mioche où t'attends qu'on l'enterre, quitte à te faire taire. Et j'en ai fait des trucs foireux de tout mon élan vers l'aval de peur de ne valoir que dalle à poil. Et devant tous ces gens, mes excuses à mes actes manqués. Je sais bien qu'un jour je manquerai pas de me terminer, quitte à pécher. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. J'crame la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. Tout ça pour dire mon fils que si t'arrives en ce théâtre, fais gaffe, y'a des coups de vis à t'en faire péter les boulons. Mais peut-être qu'on se bâtira un monde à nous en mode tarsique et on mettra la clé au clou. Libre et debout, mais pour l'instant je me casse les dents, c'est récurrent. Comme la vie c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. Comme la vie c'est pas bien grave. Jusqu'à présent les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time je la marre. Surprends tout le monde David avec tes choix aujourd'hui, c'est bon. Ben oui hein. Puis en plus, imaginez Wilfred et Marilyn Tibard chanter là-dessus. Ce serait tellement meilleur. Ah, non. Non. Mais non, si t'as Wilfred, Marie-Hélène Tibard, ça peut pas mauvais. Être bon. Il la quétaniserait pour ma ouais, vraiment. Oh mon Dieu, Marie-Ève Janvier puis Jean-François oh, Brault. Ben... Un vomi, oh. J'ai comme un goût de vomi dans ma bouche. Allez, oh, dis jamais pas sur mon Mac, s'il te plaît. Quand t'as prononcé Nicki Minaj tantôt aussi, ça m'a un peu... Ça donne des refus comment. Donc, David Ferron, toujours la langue dans ton oreille. Il oui. nous reste une troisième pièce à entendre, toujours dans notre blog. Télé-réalité peut égaler qualité. Oui, donc, Luce, qui est l'avant-dernière gagnante en 2011, quand, 2010, pardon, parce que 2011-2012, ils ont peu de budget pour faire une nouvelle star. Donc, ah, c'était pas à la télé du tout pendant 2 ans? Ouais, exactement. Ah, il n'y avait pas de budget. Ils reviennent cette année, puis la station qui la reprend fait des records de cotes d'écoute. Est-ce que c'est la même station qu'avant? Non. D'autres chaînes, OK. Ouais, c'est une chaîne plus câblée. Si je peux dire ça. Okay. Donc, ben en fait, Luce, qui est-elle? Quand elle s'est présentée aux auditions, elle s'est dit, bien, je vais faire une blague, je vais passer dans la section des inoubliables. Qu'est-ce que c'est? C'est les chanteurs vraiment poches. Ils passent dans la section des inoubliables. Donc, pendant l'émission, les diffuseurs diffusent un topo ou un best-of, si je peux dire un ça. Un worst-of, si on veut. Ouais, exactement. Donc, les inoubliables, c'est cette section-là. Et finalement, elle passe aux auditions avec les moustaches. Et avec une espèce de buzzer qui marque « J'aime les poils ». Et finalement, elle est sélectionnée. OK, wow. Donc, ça là, doit être rare que quelqu'un qui est dans les pires finisse par se faire sélectionner. Non, elle, son but, c'était d'être des pires, mais le jury va faire comme « Mais wow, t'es super bonne et t'as tout ». T'as du talent, OK. Finalement, elle, même elle est surprise, elle fait comme « Ah, je me suis fait avoir dans mon propre jeu ». Jusqu'à temps qu'elle gagne l'émission. Wow. Donc, elle voulait faire une blague et finalement, ah, elle est gagnante! Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson tirée de son premier album, Première Phalange, qui a été notamment produit par Philippe Catherine. Et si vous suivez la carrière de Luce, si vous avez des enfants en bas de 3 ans, eh bien, vous allez être content parce qu'elle vient tout juste de sortir un album pour enfants. Je sais pas s'il est disponible au Québec, mais en tout cas, elle se dessine une belle carrière. Pour remplacer Henri D dans le cœur des enfants français. C'est cute. Là, on écoute L'été noir. Exactement. Tout de suite. Assemblage requis. J'ai trop bu, encore une nuit perdue. Je suis restée à t'attendre en descendant la pente toute seule. seul au comptoir, dans ce bar où l'on s'est aimé. Quand je parle de toi, on ne m'écoute pas. Maintenant je voudrais pleurer tout ce mortel été. J'attends l'orage sans bouger, que mon cœur se fasse dévorer. Des nuages noirs dans le ciel de l'été. Reviens, reviens me voir, car le vide m'a mangé. Je n'ai plus rien à voir, sans toi je suis brûlée. Je te jure, j'arrête de boire, mais reviens encore bébé. Dernier en dernier verre, quand ça tangue sévère, je m'endors avec ton jean à l'autre bout de la ville. Je ferai n'importe quoi si tu ne veux plus de moi. Je pourrais me saouler toute l'éternité. Je pourrais me noyer sous la pluie de l'été. Je compte les heures sans parler, qu'un orage vienne me ranimer. Les histoires, je sais que je t'en ai fait baver. Je veux des nuages noirs dans le ciel de l'été. Reviens, reviens me voir, car le film de ma manche. Je n'ai plus rien à voir, sans toi je suis brûlée. C'était L'été noir de Luce, tiré de son album Première phalange. Mm-hmm, ça aussi, c'était bon. Ça aurait pu s'appeler Suzy à la plage, mais Première phalange, c'était plus original. Okay, bon, si tu le dis, hein. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des gagnants de la Nouvelle Star en France. Oui, et puis comment vous avez trouvé ça finalement? Ben écoute, je te dirais que j'ai été surprise. Ouais. Hein? Ouais, ouais. J'ai particulièrement aimé la première de Julien Doré. Mm-hmm. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, pour vrai. Ouais. C'est cool. Les listes, les chansons vont être sur assemblagerequis.com après l'émission, si vous voulez les retrouver. Annabelle? Ben moi, j'ai vraiment aimé les chansons, mais en fait, je suis pas convaincue quand même que une télé-réalité, c'est sain. Non, c'est sûr que non, puis c'est pas là. C'est sûr qu'il y a des carrières qui démarrent pas. C'est sûr qu'il y a de la pression aussi médiatique, parce que quand tu gagnes la télé-réalité, t'es sollicité de partout et de part et d'autre. T'as de la pression aussi de la maison de disques pour vendre des albums, mais... Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est que les artistes, au moins, peuvent jouer dans leur propre zone, découvrir leur côté artistique, puis faire ce qu'ils veulent aussi, d'une certaine manière. Sony, oui, c'est sûr qu'il y a une pression pour qu'ils vendent des albums, mais en même temps... Ils ont un peu plus de contrôle sur ce qu'ils font. Ouais, exactement. Ouais. Puis ils sont créatifs, puis la Nouvelle Star, c'est ça qui cherche justement quelqu'un qui est créatif, qui est capable de se démarquer des autres et de faire schnout. Excusez-moi l'expression, Star Academy, qui est là, la version Made in France, qui est une pâle copie de Love Story. Ouais. Est-ce que tu penses que la voix à TVA va donner quelque chose de bon à la fin? Bof, hein? Non. Non, Annabelle n'est pas la seule, mais non plus. Annabelle se tire une balle présentement. Mais c'est le principe même de télé-réalité que je trouve ça totalement aberrant. Le public vote et le public a souvent mauvais goût. Donc, mais c'est ça, mais en fait le public vote pour un monde qui est comme vraiment pas réel. Là. On s'en perd, mais en tout cas, ouais. Oui, c'est ça, puis j'ai même une anecdote là-dessus. Il y a même une des jurys, voyant une de ces candidats qui avait du talent, elle a dit au public, bien, vous avez de la merde dans les oreilles. Oh, wow. Le public est très in your face en France. Ça se passerait jamais au Québec, mais il m'a donné une autre juge qui est d'origine belge, qui est jury en France. Et justement, il y a un des candidats qui est belge, en fait, quelqu'un qui fait les auditions en Belgique. Mm-hmm. Et la juge dit, je veux avoir la citoyenneté française, j'en peux plus. Bah. Hey, ça se prend-tu pour Gérard Depardieu? Mais en France. C'est tout, David? Ben, je pense que oui, j'avais le punch d'Eurovision. Oui, punch d'Eurovision, vas-y donc. Ben, est-ce que j'ai quelque chose à préparer? Ou? Ben non, c'est parce qu'on n'a pas parlé de la gagnante de 2008. Non. Ben, j'ai appris hier que c'est elle qui va représenter l'Eurovision. La gagnante de La Nouvelle Star? 2008. 2008 va représenter la France à l'Eurovision. Ouais. Le concours avec de la musique très, très mauvaise et très, très trop mainstream, mettons. Ouais. Ah, OK. Fait que celle-là, on l'a pas joué, c'est normal. Ça. Ouais, ben, pourtant, la chanteuse est super bonne. C'est une bonne chanteuse folk rock. OK. Bon. Mais bon, faut pas comprendre. Quand on a besoin de remplir son frigo, ben... C'était ton punch, ça. Ouais. OK. J'ai pété votre bulle, hein. OK. N'excuse. Merci, David. À la semaine prochaine, mercredi, à mettons 8h si ça t'adonne, sinon on verra. Ouais, si mon char part, si j'ai pas de médecin, aller voir quelque chose dans ma main. C'est ton question d'auto, c'est plate ça. Mais en tout cas, on lui fait pour rétablissement. Voilà. Ben merci. Ouais. On termine l'émission ici déjà. Hein. Déjà avec juste à peine 12 minutes après l'heure. 13, d'accord. Oui, l'on est rendu à 13. On remercie tous les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la belle Maton. Salut! Stéphanie. Ben, au revoir. Merci. Ouais, à la semaine prochaine. Ouais. Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. On te retrouve au Palmarès, c'est fou, jeudi à 15h. Ben oui! David Ferron, encore une fois. Au revoir. Jean-Philippe Charbonneau, qui va être de retour demain à la co-animation. Parlant d'émission de demain, ça va être bon. On va avoir Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Il nous dit le sport, c'est la santé, en tout cas presque toujours. En effet, il arrive parfois chez certains individus que le sport devienne une véritable dépendance, comme pourrait l'être la drogue, le jeu ou le tabagisme. Et à la manière de ces dernières, cette dépendance à l'activité physique, que l'on nomme couramment bigorexie ou dysmorphie musculaire, peut également mener à de fâcheuses conséquences sur la vie sociale, professionnelle et amoureuse. Sans parler bien sûr des innombrables problématiques de santé qui y sont reliées de près ou de loin. Le phénomène est tel que depuis l'année passée, il est même possible de diagnostiquer cliniquement cette forme de dépendance. Et cette semaine, dans la chronique d'une foulée à l'autre, on fera un bref tour d'horizon, une définition en jeu de ce trouble inusité mais bien réel. Alors soyez-y demain. On aura aussi Jasmine Raymond-Dreville et sa chronique de la GEQTR ainsi que de la politique avec François Landry et Legault Cassis. Alors, bonne journée. À demain. C'est un long monologue, ça. Bonne journée. Salut! Ding ding! Bruit de bouche. Bruit de bouche, jus de nouilles. À demain!